Pourquoi? Je me suis posé la question de savoir quel était le cri du raton laveur. Ah, bonne question. Ça doit se trouver sur YouTube, ça. Ça se trouve sur YouTube. Donc, fais-nous une imitation du cri du raton laveur. Ben je sais pas, moi je connais pas, moi. C'est toi qui as dû chercher, non? Pas vraiment. Ben attends, J'ai pas vraiment cherché. on va aller sur Si YouTube tout de suite. je me base sur mes connaissances, ça ressemble à combien pour ce bras? Comme un ours. J'imagine le. Oh là, c'est un sacré raton laveur. Alors, ça se trouve un cri du raton laveur, Son Alors, of Raccoon. Ben, je sais Son pas of quoi. Raccoon. Alors, ça fait quoi? Pour le moment, ça fait rien. Ça doit Attends. piailler, un truc comme ça, c'est un peu comme les oiseaux. C'est comme les renards, je pense, tu sais. Ça va faire des gémissements ou un. Ouais, ça fait des. Ça fait plutôt Ouais. comme un oiseau, en fait. Attends, je vous envoie le lien. C'est le cri d'un renard, le glapissement, merci, mais c'est immonde. Et. Je vous ai envoyé le Vas-y. lien. Je vais regarder. Attends, c'est dans la conversation. Enfin, moi, je suis sur mon tel, alors je regarderai ça plus tard. Non, mais c'est Attends. pas. C'est. Attends, moi, ça m'intéresse, moi. Ça m'intéresse, attends. C'est quoi? Alors, 15 secondes. Ah, d'accord, j'ai la pub Swiffer avant. Tu peux les sauter les pubs quand même. Hein. Et en plus, je peux pas la zapper parce que ça marque que la vidéo sera lue après cette annonce. Ouais, Ouais, ça dépend magnifique coup de des. balai. Un petit, une petite Super, conne, il y a des poils sur petit, ton je ne veux Swiffer. plus voir ça. Et puis. Vraiment, ça sent le citron. Super. Il faut avancer un petit peu, ouais. Ça fait vers le milieu, ça fait des. Comme ça. Un peu comme un oiseau, je te dis. Ah oui, ça fait. Ouais, Ouais. ça fait des piaillements. Ah, tu fais bien, là. Tu devrais faire ton Ouais. intro en faisant le raton laveur. En parlant, tu les entends quand même dans les Gardiens de la Galaxie 3. Hein. Oui, c'est Oui, vrai. Queen un petit peu, ouais. Queen est. C'est ces cris-là. Je s'appelle Groot. Je s'appelle Groot. On fait Oh, tout le je podcast comme parle de ça. Groot. Je s'appelle Groot. Je Je s'appelle Groot. s'appelle Groot. Parce que tu es relié par le cœur, tu comprends ce que dit les Groot. Ah, ouais. Qui vient de la planète X. Oui. Groot. Un gros dégueulasse. Tu sais que bah, mes potes qui sont chez qui j'ai été, ils sont tous bûcherons. Et je leur ai demandé de quel type d'arbre appartenait Groot. Et mais attends, ils sont vraiment débattus, hein. Ouais, attends, c'était l'arbre et tout. Toi, tu sais, t'es avocat, tu dis, putain, les mecs, ils sont vraiment en train de parler d'arbre là. T'as mais leur femme, mais qu'est-ce qu'ils racontent et tout? Et ils ont trouvé l'arbre. Ils sont tombés d'accord sur un type d'arbre. Et c'est lequel? Eh ben, t'as Google? Ouais, j'ai Google, attends, Tu je. tapes arbre liane de Philippines. Mais je te jure, ils ont vraiment débattu. Attends, ça peut pas être un chêne, c'est pas un peuplier, non, c'est pas possible. Un hibiscus. C'est un hibiscus, c'est sûr. Ouka chaka, ouka, ouka, ouka chaka, ouka, ouka, ouka chaka, ouka, ouka, ouka chaka, ouka, ouka, ouka I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. Lips as sweet as candy. Its taste is on my mind. Girl, you got me thirsty for another. are the good love when we're all alone. Keep it up, girl. Yeah, you turn me on. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. I'm hooked on a feeling. You're in love with me. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Marvelicious. Et il y a Mika, il fait où les oreilles? Marvelicious, ce podcast consacré à l'univers Marvel, comics, MCU, etc. Et je suis avec deux personnes, donc du coup, on va même pas l'appeler un récurrent, on va l'appeler un principal. Olivier, bonjour Olivier. Bonjour. Olivier in Wonderland sur YouTube et Instagram. Ça fait longtemps, Mika. Ah oui, tellement. Trop longtemps. Que vous. Donc on a prévu un épisode spécial. Alors il y a Pauline qui va venir tout à l'heure en cours de route, donc vous allez peut-être l'entendre d'un coup comme ça. Voilà, mais je préfère vous prévenir. On va parler aujourd'hui d'un épisode spécial, très spécial, qui est Les Gardiens de la Galaxie 3. Ouais. C'est-à-dire que c'est le troisième, c'est après le 2. Voilà. Voilà. Qui est lui-même le 4, mais il n'y aura pas de 4. Ah. Qui est lui-même? Qui est lui-même quoi? Je suis pas sûr, moi. Enfin, qui est lui-même le 2, qui est lui-même après le 1. Voilà, c'est ça que je voulais après dire. Le 1, exactement. Ouais. En fait, c'est une trilogie. Voilà, on a les trilogies Star Wars et puis les trilogies du MCU. Tous réalisés par James Gunn, avec une musique d'enfer, etc. Et on va faire un briefing. Alors, c'est 100% spoiler. On va tout vous dire sur ce film, en long, large et au travers. On va vous dire aussi ce qu'on pense qui va se passer après. Puisque en fait, on découvre qu'il y a en scène post-générique des nouveaux gardiens. Voilà. On va essayer de voir ensemble, de théoriser sur l'avenir des gardiens dans le MCU. Voilà, c'est un... Ah, bah voilà Pauline. Voilà. Attends qu'elle se connecte. Bonjour Pauline, tu vois, on vient de commencer. Et bonsoir. Arrête. Ouais. Oh, c'est vrai, attends. Bonsoir. Ça va? Elle est en train de manger en plus en même temps. Ça ouais. Va, c'est un sandwich? Non. Il est à quoi le sandwich? Je vais te faire. À quoi? Genre... Ah, des raviolis? Non. De ravioli. Donc Pauline, bah du coup il y a Pauline, Insta Pauline sur Instagram et puis maintenant elle a un TikTok. Voilà, ça fait longtemps. Oui. Tu nous as manqué avec Mika, Pauline. Moi aussi vous m'avez manqué. Ouais. En plus Pauline m'a envoyé une photo après la séance. Du coup ça m'a ému. Parce que je dis que je vais le voir et puis ça fait longtemps que je n'avais pas. Franchement j'ai jamais été. Voilà. Donc du coup j'étais en train d'expliquer. Ouais, bah, ce film joue avec les émotions, comme on dit. On va faire comme d'habitude, Pauline, on va prendre les personnages à part. On va faire un debriefing sur chacun. Et puis à la fin, on va dire ce qu'on pense à la fin du devenir des nouveaux gardiens. Puisque, bon, c'est 100% spoiler. Et puis j'ai expliqué tout à l'heure que, justement, on aura des nouveaux gardiens. Et donc, du coup, on va se poser la question de savoir du devenir de ces gardiens dans le MCU. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. C'est sûr qu'il n'y aura plus James Gunn. Ça, c'est certain. Il est parti chez l'ennemi. Voilà, donc on le verra plus. Dans tous les cas, voilà. Alors, je vous propose de commencer par comme personnage. Allez, Olivier, lequel tu veux qu'on commence? Star-Lord, peut-être, non? Dans... Ah bah vas-y alors. Alors, comment tu as trouvé Star-Lord dans ce film? Bah écoute, j'ai trouvé égal à lui-même. J'étais un peu déçu qu'on ne l'ait pas vu avec son casque, son fameux casque mythique. Les chaussures donc, pardon? Et les chaussures. Oui, les chaussures. non, j'ai trouvé égal à lui-même. J'ai trouvé qu'il était très bien dans le film. À la fin, j'ai même cru à un moment donné qu'il allait décéder. J'ai bien aimé son Star-Lord égal à lui-même, quoi, on va dire. Sans surprise en même temps, mais... Alors, est-ce que tu as bien aimé l'évolution du personnage dans le film? Oui, le côté dépressif, tu veux dire. Intéressant. Le côté. Ouais, voilà. Alcoolique, bah, dépressif, et puis après... Ouais, c'est-à-dire que dans le spécial Noël qu'il y avait sur Disney+, c'était la suite du 2, hein, direct, c'est entre les deux, en fait. Et effectivement, il était représenté un petit peu moins dépressif, c'est-à-dire qu'on savait qu'il était dépressif. C'est pour ça qu'ils sont allés chercher Kevin Bacon pour son Noël. c'était, moi, j'ai adoré d'ailleurs ce petit film. Et donc, oui, donc, au début du film, dès le ton du film, on comprend qu'il va se passer quelque chose de grave. C'est beaucoup moins enjoué que l'intro de Galaxy 2, par exemple. Et on sent Star-Lord très, très déprimé, qui a sombré dans l'alcool. Et on sent aussi sa volonté de vouloir aider son meilleur ami. D'ailleurs, on suit tout. Qu'est-ce qu'il y a, Miga ? Deuxième meilleur ami. Son deuxième ami, parce que Drax, il dit que c'est le premier. Oui, c'est toujours ça. Ouais. C'est ça. Oui, on a aussi cette volonté de voir Chris Pratt. Je trouve qu'il a moins d'importance que dans les autres films, parce que principalement, le film est axé sur... Sur Rocket. Voilà, il faut dire ce qu'il est. Donc, il est axé principalement sur Rocket et sur la volonté des gardiens de vouloir le sauver, lui sauver la vie. Et en fait, Star-Lord, en fait, tout le long du film, on n'est plus sur... Ouais, Peter Quill. On n'est plus sur le gars un peu foufou qui drague Gamora, qui fait le malin. On n'est plus sur ce ton-là du tout, en fait. Au début, après, ça revient, mais... Oui, mais en tout cas, on n'est plus sur ce ton-là. Et même, je trouve que c'est même un ton plutôt sérieux. C'est-à-dire qu'on a un Peter Quill assez sérieux. Et pas un peu foufou tel qu'on le connaît. Et toi, Pauline, comment tu as apprécié? Tu as apprécié ou pas? Enfin, du moins, la façon dont est traité Peter Quill, Star-Lord, dans le film. Alors, moi, je rejoins Olivier sur le fait qu'il est toujours égal à lui-même. Mais ce que j'ai apprécié plus que dans les autres films, c'est qu'on voit dans ce gardien de la galaxie que l'amitié est encore plus mise en avant comparé aux deux autres. Et en fait, c'est touchant de voir qu'un personnage est autant attaché à un autre et qu'il est prêt à tout faire pour lui. Donc moi, j'ai encore eu une vision différente du personnage, tu vois, et je l'ai apprécié encore plus. Alors, moi, je trouve qu'on n'est plus dans le stade de l'amitié, mais de la famille, tu vois. Ouais, c'est ça. Oui, c'est vrai que ça se joue. Ouais, c'est vraiment, c'est une question. Ouais, c'est vrai. Ils le disent pas d'ailleurs dans le film. Ouais, peut-être. Mais en tout cas, je sais que Gamora, normalement, qui est plus celle que l'on connaît, elle est dedans, mais comme si elle fait partie de la famille, oui. Même si elle est pas, enfin, c'est pas la Gamora qu'on connaît, qu'elle est plutôt en conflit souvent avec les autres. Bah, en fait, ils font avec, quoi. Parce que c'est quelqu'un, comme si c'était quelqu'un de leur famille. D'ailleurs, on se rend compte qu'au fur et à mesure, elle se remet en question là-dessus. Mais voilà. Pauline, à ton tour, quel personnage tu veux qu'on parle? Allez, on va aller sur Mantis. Mantis, alors. J'adore. Franchement, on la voit encore mieux dans ce film. Je trouve qu'elle est encore plus mise en avant. Elle est encore plus drôle. Elle est tellement à part, mais tellement attachante que je trouve dans ce film-là, on est encore plus... on s'attache plus au personnage. Ouais, elle est exceptionnelle. Oui, c'est vrai. Dans le 2 où elle est avec Echo, oui, c'est Echo, je crois. Oui. Le père, il s'appelle comment déjà? Oui, c'est Echo. Elle est plus dans la réserve de découvrir d'autres personnes parce qu'elle est tout le temps avec lui, etc. Et tu as tout à fait raison. Mais déjà, dans le Special Holidays, elle commence à prendre de l'importance. Hein. Bah, on apprend que c'est la sœur de Star-Lord. Ouais. Et dedans, en fait, on voit bien qu'elle... Enfin, je sais plus, à moins elle prend une cuite avec Drax, je crois. Elle est trop drôle. Elle est excellente, franchement. Voilà. Et Pauline, qu'est-ce que tu as aimé dans justement l'image, enfin pas l'image, on va dire, est-ce que tu as aimé l'évolution du personnage dans le film? Parce que tu as parlé de l'évolution au long du MCU, entre le 2 et le 3, et voilà. Mais est-ce que l'évolution du personnage t'a plu dans le film? Est-ce que ça correspondait à peu près à... Enfin, est-ce que tu as été surpris par cette évolution ou pas? Oui et non. Mais ce qui m'a plu, c'est qu'on sent vraiment qu'elle s'est trouvée et qu'elle a trouvé qu'elle voulait faire, et vraiment que, tu vois, comparé aux autres films, elle est encore un peu dans le 2, elle est un peu, on va dire, je vais pas dire perdue, Mais tu vois, elle cherche sa place et on sent que dans le 3, elle évolue et qu'à la fin, on sent qu'elle est sûre d'elle, qu'elle, enfin, entre guillemets, qu'elle elle va, elle essaye de se chercher encore, mais elle sait ce qu'elle veut faire. C'est vrai. Oui, parce qu'elle part avec ses trois animaux et puis ses trois animaux de compagnie, on va dire. Ou ses deux. Oui, Non, c'est ses ça. trois animaux. Venez. Nous mettre dans un vaisseau, je sais pas comment on va faire. Mais dans un petit vaisseau, ça rentrera pas. Voilà. Et, effectivement. Mika, alors toi, ton personnage. Moi, mon préféré dans le film, ça a été Rocket, mais c'est un peu le central. Donc, j'allais dire, c'est le meilleur pour la fin. Attends. On va garder le meilleur pour la fin alors. Alors prends-en un Peut-être autre. le garder. Du coup, en fait, je te dirais Drax, là, pour dans la continuité avec Mantis. D'accord. Le Ouais. duo est exceptionnel, je trouve. C'est ça. Oui. Y a un sacré duo, je trouve, entre les deux, qui passe vachement bien, je trouve, à l'écran. Et autant, du coup, il exaspère vraiment tout le reste du groupe, autant c'est la seule qui le voit à sa vraie valeur, quoi. Oui. D'ailleurs, elle lui fait des blagues comme quoi il est amoureux d'une chaussette. Je crois que c'est dans le spécial Holidays. Ou c'est celui-là, ou c'est celui-là, lui dit Tu te rends compte, tu m'as fait tomber amoureux de ma chaussette. Je sais plus quoi. Ouais, c'est ça. Oui, ou avec le garde dont elle dit au garde, vous êtes follement amoureux de cet homme. Ouais, cet homme, ouais. Oui. Et que du coup. Oui, bah, ça fait partie de ce que disait Pauline, c'est qu'en fait, elle est tellement. Elle devient drôle, en fait. Du coup, Mantis, effectivement. Moi, je vais pas faire un gardien. Vous avez fait trois gardiens, et moi, je vais faire le. On va faire un moment pas de gardien. Moi, je vais parler d'un personnage que j'ai pas forcément apprécié. C'est le méchant. Ah, j'adore. J'adore l'acteur, moi. Oui, l'acteur. Moi, j'ai pas trop aimé J'ai non pas trop plus. apprécié. Ah, J'ai pas j'adore. trouvé. Le méchant, c'est le maître de l'évolution. Bon, vous verrez voir tout le monde ce qui est dit sur Google, etc., sur le maître de l'évolution. Mais j'ai. Alors, l'acteur, je sais pas, je le connais pas spécialement, mais. Il est dans Peacemaker, enfin, entre autres. Peut-être. Ah oui, De James avec Gunn. John Cena. Avec John Cena, c'est de la série, non? Oui, c'est de James Gunn aussi. Ouais. D'accord. En tout cas, moi, je ne connais pas cet acteur-là, mais j'ai trouvé que le méchant n'était vraiment pas à la hauteur du niveau des gardiens. C'est-à-dire qu'en fait, c'était quelqu'un de lambda qui a une tenue qui semble lui donner le pouvoir de déplacer les choses. C'est l'impression que j'ai eue. Mais je ne l'ai pas trouvé. Forcément charismatique et à l'auteur des gardiens, et je m'en suis rendu compte à la fin du film, vers la fin, quand ses propres soldats sont retournés contre lui. Parce que si t'as un Ouais. méchant, un vrai méchant, comme Thanos ou comme d'autres, ils n'auraient pas fait ça, ils auraient eux-mêmes peur de lui. Sauf qu'ils n'ont pas Oui. peur de lui du tout, etc. Et j'ai trouvé qu'honnêtement, le méchant, je l'ai vraiment pas trouvé à la hauteur. Je dis pas qu'il était nul, mais je l'ai pas trouvé à la hauteur des Gardiens de la Galaxie. C'est pas le pire méchant qu'ils aient eu, quoi. Mais vraiment pas. Ils ont déjà affronté C'était pire. plus un méchant pour Rocket plutôt que pour les gardiens, tu vois. Oui, c'est ça, oui, tout Je à suis fait. même pas sûr que c'est un méchant pour Rocket, tu vois. Ouais, mais tu vois, il a quand même été traumatisé, il a eu un sacré traumatisme. Et donc tu sens que celui qui l'appréhende le plus, c'est lui, comparé aux autres, tu vois, où ils n'ont aucune retenue. Moi, par contre, le personnage a totalement fonctionné sur moi, je crois. Ah, J'ai alors vas-y, nous, pourquoi? trouvé que c'était un méchant original et efficace, parce qu'il a un côté pas surpuissant, justement, comme Thanos, ou il a un côté surréaliste, Thanos. Là, il y a un côté humain de la personne, et tu vois que c'est un véritable psychopathe, en fait. Et Oui, bien sûr. j'ai trouvé effrayant pour ça, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui est fou. Plus qu'autre chose, et j'ai trouvé son design intéressant. Enfin, moi, j'ai bien aimé. Bah, Thanos est fou aussi, puisqu'il est appelé le Titan fou. Oui, bien sûr, Ouais, mais là, tu sens vraiment le psychopathe, quoi. Thanos, il n'était ouais, pas ouais. psychopathe, c'était une conviction qu'avait Thanos, mais. Bah, lui a une certaine conviction aussi, parce qu'il veut, par exemple, il a créé la contre-terre, il a créé des êtres intelligents à partir d'agneaux, etc. Mais parce qu'il a la quête de l'être humain qui est à la Ouais. perfection. D'ailleurs, c'est comment? Ah, c'est le peuple qui est doré là. Oh là là, Mais Pupi et tard. tu parles des gardiens dans la trilogie, ils n'ont jamais vraiment eu peur d'aucun méchant, hein. Quand tu réfléchis bien, ils se foutent de la gueule des Après. méchants tout le temps, hein. Ouais, mais je parle d'un méchant à la hauteur, si tu veux, c'est pas forcément qu'ils en aient peur. Je crois que Thanos, il faisait pas trop les malins non plus. Ouais, personne. Donc, est-ce qu'il y a Mika? Non, je veux dire, moi, c'est vrai que je le trouve intéressant, en fait, en tant que, qu'ennemi aussi. Mais c'est vrai que c'est pas autant, je trouve, le méchant du film que, bah, il fallait qu'il soit là pour raconter l'histoire de Rocket, déjà. Voilà. Et en fait, tu sens qu'il se perd lui-même au fur et à mesure. Je pense pas que ce soit un méchant véritablement à l'origine, ou du moins dans sa pensée, qui se perd réellement lui-même dans sa folie à vouloir impérativement retrouver Rocket, parce que limite, tu sens qu'il est jaloux de l'intelligence de Rocket, alors que c'est lui qui l'a créé, et qui pète un câble à cause de ça. Et je pense que c'est aussi pour ça que ces hommes le trahissent, en lui disant en fait, il va trop loin pour... pour quelque chose qui n'était pas nécessaire. C'est... Enfin, il a quand même créé des êtres humains, donc du coup, il a déjà été trop loin de base. Ouais, mais ils sont moins intelligents que lui. Alors... Oui, c'est vrai. Ah, mais c'est... Il a un point commun avec Thanos, finalement. Ils veulent faire le bien, finalement, au départ. Oui, oui c'est vrai. Oui, il veut créer une terre parfaite, des êtres parfaits. Ouais. Une société parfaite, sauf que bah, ça ne peut pas exister, après. En tout cas... Moi, je l'ai pas trouvé forcément à la hauteur, mais comme disait Pauline, c'est que c'est quand même un méchant plus pour Rocket que pour les autres, puisqu'il est centralisé sur l'histoire de Rocket. Alors, Olivier, un autre personnage, mais du coup, pas Rocket, du coup. Bah, ma chouchoute, alors, Gamora. Ah, Gamora. Alors, Gamora. Bah, je suis amoureux de Gamora, moi, donc... Alors, j'ai question. Est-ce que t'as raison d'être... Amoureux de Gamora. De l'actrice ou de Gamora? Les deux. Ah, d'accord. Dire Gamora, la version crêpe ou la version encore en vie? Ah oui, c'est vrai. Ouais, j'aime les deux, mais j'ai beaucoup aimé la nouvelle même Gamora, en fait. Fouette, Olivier. Bon. Quand ça fouette, ouais. Alors, tiens, question à te poser, vu que tu es fan de Gamora. Est-ce que justement tu as bien aimé le traitement qu'ils ont fait de Gamora, puisque comme tout disait Mika, elle a fini en version crêpe, on a une nouvelle Gamora qui est plus celle que l'on connaît. Et justement, est-ce que la Gamora que tu as eue devant toi au cinéma, est-ce qu'elle te convenait et est-ce qu'elle elle correspondait aux attentes que tu espérais? Tout à fait. En fait, j'avais une crainte à ce niveau-là justement. Parce que je m'étais dit comment ils vont faire, parce que ils vont recréer une idylle entre les deux. Ça... Et puis finalement, ils sont pas. James Gunn n'est pas tombé dans le panneau. Il a fait quelque chose de différent. Elle est différente tout en étant ressemblante à la Gamora première génération, on va dire. Elle est plus badass dans celui-là, je trouve, de par son look déjà. Et je la trouve finalement plus intéressante que dans Gardien de la Galaxie 2, finalement, où finalement elle avait moins d'importance à mes yeux dans le deuxième volet. Pauline, t'es du même avis ou pas? Non. Je suis désolée. Aïe, aïe, aïe. Bah, quoique, c'est bien d'avoir des avis divergents, regarde, t'es pas d'accord sur le méchant. Alors, je veux pas dire que j'ai jamais apprécié Gamora, je l'appréciais, mais ça a jamais été pour moi mon personnage favori de la trilogie. Et là, dans le dernier, j'ai encore été moins attachée. Tu vois, je veux dire, j'ai encore eu plus de mal. Parce que je pense que je préférais celle d'avant quand même. Et du coup, j'ai eu du mal avec le personnage et la manière dont elle était. Tu vois, après, c'est mon propre avis. Hein. Oui, mais j'ai plus eu du mal. Bah, finalement, elle est très humaine parce qu'elle les aide alors que finalement, elle n'a pas d'intérêt à les aider, finalement. Oui, c'est vrai. Si. Mais je sais pas. Bah, si, parce qu'elle lui a promis je sais pas combien en argent. Ouais, mais quand ça part en sucette, n'importe qui serait barré, quoi. C'est ça que je veux dire. Bah, elle les trahit un petit peu, hein, quand même, hein, en balançant. Hein pour qu'on... Elle les trahit un petit peu. Hein. Elle envoie les données de là où ils sont pour qu'on vienne la chercher. Oui, c'est vrai que là-dessus. Hein. Et Mika, toi? Bah, alors, moi, c'est pareil. Je ne suis pas un fan absolu de Gamora. Le perso est sympa, mais je trouve que ce n'est pas le plus intéressant sur le groupe. Mais j'ai bien aimé en fait ce qu'ils en ont fait dedans parce que déjà elle est bien différente de l'autre, donc ça te fait une belle séparation, je trouvais, avec la précédente. Mais j'aime bien le fait qu'au fur et à mesure du film, en fait, elle se rende compte de ce qui a fait que son autre version a pu tomber amoureuse de Quill. Mmh. Et que petit à petit, en fait, elle commence à comprendre et à évoluer dans le même sens qu'avait évolué la précédente Gamora, justement parce qu'elle se rend compte de. bah, de Quill, comment il est, de comment est leur équipe, comment est leur famille, et que finalement, c'est peut-être ça qu'elle cherchait elle aussi tout le long en cherchant une famille. Et que ouais, pas... mais elle a choisi les ravageurs. Bah, elle part avec les ravageurs à la fin parce que tu sens qu'il séparait le groupe, surtout pour le film à la fin, au niveau scénaristique. Mais que tu sens que dans la finalité, quand tu la vois, elle est contente de les rejoindre, les ravageurs, mais qu'il y a quand même un petit pincement au cœur. Tu as l'impression que quand même, elle aimerait bien rester un petit peu avec les gardiens. Puis d'un autre côté, rien n'empêche de les revoir, puisque bah, sur la fin, ils sont tous un peu opposés au niveau de Nowhere. Donc, à part Queen, pour le coup. Oui, c'est pas dit. Lui devient jardinier. paysagiste, s'il te plaît, paysagiste. Techniquement, il va juste tomber des pelouses, mais il faut avoir regardé la scène post-générique. Oui. Oui, mais voilà, c'est sa nouvelle carrière. Faut se chercher quand même. Le mec, il a traversé la galaxie, il tombe des pelouses maintenant du voisin. Ouais, c'est ça, la pelouse du voisin. Tu sens que il finit. Moi, j'avais plutôt l'impression qu'en fait, que la Gamora, donc, pour moi, j'étais comme toi, Mika. Pour moi, la Gamora qu'on a connue, elle est morte. Donc, comme elle a fini en crêpe. Donc la version de Gamora qu'on a là ne m'avait pas choqué, mais là où j'étais surpris honnêtement, c'est bon, on va en parler, de Nebula. C'est-à-dire que j'avais l'impression que Nebula avait récupéré le caractère de notre Gamora d'avant, et c'est que la Gamora la Gamora que l'on a là, c'est devenu la Nebula. Ouais, c'est pas faux. Tu vois, il y a eu un inversement. Ça, c'est un peu ça. Et il y a un moment, t'as l'impression que justement Nebula, elle chauffe un peu Star-Lord. Et puis il se regarde genre, non, c'est pas bon. Je sais pas si tu te rappelles, à un moment donné, elle les a taclés, et du coup, ils font non, mais c'est pas... C'est la nouvelle Gamora qui lui dit, tu devrais peut-être t'occuper de ma sœur. Ouais, c'est ça. Et ah. Mais non, il y a un blanc à un moment donné, tu fais, qu'est-ce qu'ils vont sortir là, ouais. Donc... C'est ça, mais c'est pas la réflexion en lui disant, tout ce que tu me racontes, c'est pas moi que tu cherches, ça ressemble plutôt à elle. Puis c'est vraiment le moment où il se regarde comme ça, et puis non, mais ça va pas, même pas en rêve, quoi. Et je crois que c'est qu'après qu'il lui dit t'as de jolis yeux noirs ou un truc comme ça, et qu'elle dit non, mais c'est mon père qui m'a mis mes yeux. J'ai jamais remarqué qu'il était aussi noir. Ah oui, c'est ça, ouais. Ouais, c'était bon, ça. C'était drôle, ouais. Du coup, bah, Nebula, moi j'ai plutôt apprécié ce qu'ils en ont fait. C'est-à-dire que c'était plus du tout la Nebula qu'on avait avant. Et c'est une nouvelle Nebula qu'on reconnaît pas et qui, mais pleinement intégrée au Gana Galaxy. Elle fera tout pour aider les gardiens. D'ailleurs, Rocket, je pense pas qu'elle le connaisse plus particulièrement. Quand on regarde, quand on regarde, elle le connaît pas comme le connaît Peter Quill, mais elle va se dévouer pour l'aider. C'est incroyable. Et à la fin, elle va, de ce qu'on comprend, c'est qu'elle va carrément gérer le QG des gardiens, qui est Nowhere, le fameux crâne où il y a leur QG. Et en fait, je crois qu'elle dit je vais diriger la ville. Et en fait, elle a pris une importance, moi, qui m'a surpris, parce que quand on prend le MCU entre les Gardiens de la Galaxie, les Avengers, les films qu'on a, voilà, en fait, rien ne laissait penser qu'elle aurait pris autant d'importance chez les Gardiens. Voilà. C'est vrai. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Olivier? Pauline, du coup, Pauline, vas-y. Oh là. non, je suis d'accord avec toi. C'est, je pense, l'un des personnages. On a été le plus, j'ai été le plus agréablement surprise, tu vois, elle et Rocket, bien évidemment, tu vois, je pense que c'est pour moi vraiment les deux personnages qui ont marqué le film, de par l'un son histoire et l'autre son évolution, tu vois, et justement, j'ai vu que sur les réseaux sociaux, elle avait été très, très, très, très appréciée, qu'elle avait fait vraiment l'unanimité. Ah oui. T'en penses quoi, toi, Olivier? Moi, je trouve que c'est dans la continuité d'Endgame, en fait. Elle commençait déjà à être comme ça quand elle aide Tony Stark. Elle prend un côté humain déjà dans Endgame, je trouve. Après, j'ai beaucoup aimé son personnage, mais je trouve que c'est trop... Elle devient, entre guillemets, trop gentille, tout en sachant qu'avant, c'était une véritable tortionnaire, quoi. Donc, Mais t'as pas trop... Enfin, j'ai ça trop vite. Ouais, j'ai trouvé ça pas crédible et trop vite, effectivement. D'un seul coup, ça devient une fille super gentille. Enfin, j'ai pas trouvé ça très crédible, mais si, sinon, oui, j'ai apprécié le personnage, mais moi, j'ai pas trouvé ça très crédible, en fait. D'accord. Et toi, Mika? Bah, alors, moi, déjà, j'adore cette actrice. Et ça m'a... Non mais c'est comme... tu aimes plutôt Gamera ou l'actrice? Les deux. Elle est rousse, forcément, je l'aime. Non, vraiment, le personnage, moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé son évolution, justement. Et bah, tu vois, contrairement à Olivier, je trouve que c'est largement crédible parce qu'elle découvre enfin ce que c'était d'avoir une famille, des amis, tout ça. Et que par rapport à Endgame, je pense que ça l'a vachement changé. Puis le fait que tu me disais, elle ne connaît pas trop Rocket, je me semble que c'est Rocket qui lui a fait son bras, si je me souviens bien. Oui. Deux, non, si je crois, ouais. Je pense qu'il a dû lui faire quelques modifs et pas mal l'aider. Oui, parce que son bras, à un moment, elle dit c'est lui qui me l'a réparé ou qui me l'a. Ouais. Et exact. Je pense qu'en fait, il y a pas mal de missions en fait qu'on n'a pas vues qui sont hors film. Et je pense qu'en réalité, non, ils doivent être vachement proches avec Rocket parce que lui qui est un fou de la mécanique et compagnie et elle qui est un cyborg dans tous les sens. Et tu sens qu'il y a que oui, comme on disait tout à l'heure, ils forment réellement une famille maintenant et que et enfin pour moi ça me paraissait crédible qu'elles soient autant attachées à eux parce qu'ils bah ils l'ont aidée, ils l'ont sortie un peu de la merde où elle était avec Thanos, ils l'ont accueillie et ils en ont fait un membre de leur équipe, de leur famille. Ah, complètement. Oui. Bah, pour la famille, on ferait tout. Puis en plus, elle a l'air de connaître un minimum Rocket parce que quand Star-Lord lui met le Medipack sur le torse, elle y va de suite en disant fais surtout pas ça, il y a des puces et compagnie qui vont le tuer si tu fais ça. Ah oui, oui, elle lui dit. Ouais. D'ailleurs, c'est ce qui a causé, je crois que c'est ce qui a pas aidé du tout à son truc, à son peacemaker. Je trouve que c'est un sort de truc comme ça qu'il a sur le cœur. Oui, puis en plus, elle le dit à un moment donné que finalement, elle a subi la même chose que Rocket. Et que Rocket elle avec son père et Rocket en pire avec le maître de l'évolution. Oui, c'est vrai. Comme quoi, c'est bien de débattre là-dessus sur les personnages, parce que c'est vrai qu'on a tous une vision différente et en réfléchissant, effectivement, on peut tomber d'accord sur certains points, notamment, bah, tu vois, dans ma tête, elle ne le connaissait pas tant que ça, mais quand tu. Effectivement, peut-être qu'il y a eu des missions, mais elle le connaît au moins. Elle sait qu'il a été torturé, donc peut-être qu'elle se retrouve en lui. Effectivement, on n'a pas forcément cette perception-là, tous. Y a un autre personnage qui me paraît indispensable. Cosmos. Le meilleur rôle de Vin Diesel. le meilleur rôle de Vin Diesel. Voilà. Bah, en même temps, c'est la famille. Hein. Groot. Ouais, alors c'est que le mec, t'imagines, il signe son contrat. C'est quoi le script? Je s'appelle Groot. nous s'appelle Groot. Enfin, bref. Et j'avais vu, moi, juste un massage où justement il est devant le micro. Il fait Je s'appelle Groot. C'est fait de façon différente. Putain. Le mec, il a été payé, je sais pas combien pour dire ça. Il a fait la voix dans toutes les langues. Hein? Il a fait la voix dans toutes les langues. Ouais, oui. En plus, il a fait la voix dans toutes les langues. Ouais. C'est vrai. Donc, Groot. Hein? Ça, je savais pas. C'est-à-dire que la voix française, c'est lui aussi? C'est lui. Je crois, ouais, c'est lui. Ouais. Ah bon. J'ai quand même un doute pour le dernier film, pour le 3, là. Ouais. Non, je crois qu'il a fait toutes les voix, je crois. De sûr et certain, tous les autres, c'était lui qui faisait la voix dans toutes les langues. Ouais. Bon, et en même temps, il a que Je s'appelle Groot et puis Nous s'appelle Groot. Cette erreur d'avoir mis Je s'appelle, en fait, et pas Je m'appelle. Ah, ça viendrait de là, en fait? C'est, ouais, en fait, c'est une erreur de trad, apparemment, dans les premiers, mais ça passait tellement que... Ah ouais, bon, il a quand même une phrase de plus dans le dernier. Une phrase différente de tous les autres. Je tiens quand même à préciser qu'il y a une troisième phrase. Mais c'est son meilleur scénario. Je vous aime tous. T'imagines, il était surpris. Putain, je dis des vrais mots, là. Je dis une phrase. Donc, Groot qui n'est pas le Groot du 1. Non. Groot, c'est le fils du Groot du 1, parce qu'en fait... pour ceux qui s'en rappellent, c'est que bah, il a été pulvérisé en miettes, etc. Et que Rocket avait récupéré un petit bâtonnet qu'il avait mis dans la terre. Et notre bébé Groot est devenu un ado Groot, fan de Game Boy, qui est devenu un post-ado. Bodybuildé à la Vin Diesel. Bodybuildé, voilà. Il peut faire le kaiju aussi. On se met en mode kaiju. En tout cas, ce n'est pas le Groot que du 1, c'est ce qu'on appelle le fils de Groot, et que bah, apparemment, c'est comme ça que Groot revient à chaque fois d'entre eux. C'est un peu le phénix, quoi. C'est le phénix. Voilà, Groot, c'est un Groot. C'est un Groot, voilà. C'est pas une Groot, c'est un Groot. Les Groot, voilà. C'est un Groot. Hein. C'est un Groot, voilà. Alors, Pauline, est-ce que tu as aimé de ce que. Justement, est-ce que tu as bien aimé cette version de Groot? C'est-à-dire qu'on n'avait plus le bébé Groot, heureusement, t'imagines-toi, ni le Groot adolescent, fan de Game Boy, que voilà. Ah, il était mignon quand même. Et on a ce, on va dire, le Groot post-ado. Ah non, il doit avoir une 25-30 ans, je pense. Enfin, je sais pas, oui. Il est adulte, quand même. Oui, oui. Et puis, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pensé, toi, de ce Groot-là? Bah, écoute, pareil, toujours égal à lui-même. Ouais. Donc, c'est un personnage qui est quand même assez emblématique et heureusement qu'il est là parce qu'il apporte autre chose. Alors, c'est sûr, c'est pas le bébé Groot qu'on avait dans l'autre, mais voilà, il danse. Est toujours hein. aussi. Oui. C'est vrai. Il danse à la fin. Il danse. Mais il est toujours aussi cool, aussi drôle. Il est même attachant. C'est-à-dire qu'il soit bébé, ado ou là, je le trouvais quand même attachant. Mickey, oui. Toi, t'en as pensé quoi du Groot? Ah ben moi, j'ai adoré. Alors, j'ai eu un peu de mal, j'avoue, sur le début, avec la tête énorme de bébé Groot sur un corps divulgué comme ça, là. À un moment, il n'a plus son corps, il est une sorte d'araignée Groot. Oui. Oui, il n'a plus que la tête, oui. C'est trop drôle, ça. D'ailleurs, il repousse un peu vite, hein, d'ailleurs. Ouais. Alors, bah, sans qu'il sait faire, quoi, du coup, maintenant. C'est pas la première fois que ça doit arriver. Mais non, j'ai beaucoup aimé ce côté Groot qui est en plus avec plein de bras, plein d'armes dans tous les sens. Tu sens qu'ils ont l'habitude de tous se battre entre eux maintenant et tout. J'ai vraiment trouvé ça excellent, ces scènes où il cache toutes les armes en lui et que comme il est à poil, ils se prennent même pas le temps de se faire chier à vérifier s'il a rien à cacher. Non, il est pas à poil, il est en écorce. C'est pas pareil. Oui, bah, il est en bois d'arbre. Il est en bois d'arbre. Par contre, ce qui m'a beaucoup fait rire, c'est quand il passe en mode kaiju, justement. Parce que, pour, en fait, il ressemble à ce à quoi ressemble Groot dans le comics, normalement. Dans le comics, ouais. D'accord. Avec les racines que tu vois. Ouais, non, il est monstrueux, quoi. Il fait peur, normalement, dans le comics. Et en plus, c'est Nebula qui lui dit « Mets-toi en mode kaiju ». Mode kaiju, non, pas le mode kaiju, et qui passe direct. C'est Nebula qui lui dit de se mettre en mode kaiju, je crois. Ouais, mais c'est pareil. Enfin, tu sens qu'il y a eu une chier de mission, comme je te disais, qu'ils ont dû faire tous ensemble et tout. Et ouais, non, je trouve le perso vraiment, vraiment très attachant. Et d'ailleurs, lui, on voit qu'il est attaché à tout le monde, hein, parce qu'il, peu importe qui il est, il est. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a? Ça a coupé. Il a littéralement grandi avec eux, avec tout le monde. Oui, c'est ça. Mais lui, il est vraiment né avec eux. Quoi. Je pense que c'est le personnage le plus gentil, enfin, tu vois, le plus. Qui a la meilleure âme, en fait. Qui est... Alors, moi, je ne l'ai trouvé pas forcément plus gentil parce que je trouve. Ah, bah, quand il faut aller à la bagarre, il y va. Oui, quand il faut aller à la bagarre. Franchement, quand il va choper le maître de l'évolution dans sa tour, là. Ouais, je sais pas, quand il sort tous les flingues et tout, une racine pour chaque flingue. Moi, je trouve que. Quand il y a besoin d'aller à la castagne, mais il y va, quoi. Quand à un moment, ils doivent sauter de la tour, il se met en mode delta plane. Enfin, à chaque fois qu'il faut aller taper, il faut taper, quoi. C'est ça qui m'a impressionné, c'est que c'est un Groot qui va à la castagne. C'est vrai. Ah, il va sauvage. Olivier, mais il y va, quoi. Déjà, dans le premier, il était un peu hardcore, quand même. Oui, il était violent. Oui, il était plus fin aussi. Oui, il était plus fin, mais il y allait aussi. Oui, il y allait aussi, c'est vrai. Je t'avoue que j'ai été déçu par un petit truc, c'est quand il danse à la fin, je m'attendais, tu sais, à une scène genre Drax qui le regarde et qu'il arrête de bouger. Ah ouais, ça aurait été bon. Et je trouvais que c'est un coche qui a été raté, ça aurait été assez drôle qu'il arrête juste à ce moment-là, tu vois. Et que l'autre lui dit non, mais ça va, je t'ai vu, tu vois, une connerie du genre. Comme il aime bien danser, Groot, donc tu peux rien faire. D'ailleurs, Drax il danse bizarrement. Hein. On voit que le mec, l'acteur, il est catcheur. Danser, c'est quoi? C'est grave. J'ai levé de la fonte, mais danser, je sais pas. En tout cas, toujours aussi attachant, peu importe l'âge. Alors, quand même, dans la scène post-générique, j'ai pas trop aimé la. Enfin, je le trouvais moins beau. Je sais pas vous. Oui, quand Rocket le tape, il dit oh, réveille-toi, et puis il se réveille, chien, et là, il est beaucoup plus âgé, beaucoup plus grand, plus massif. Et je trouve que le visage est pas. Il fait pas assez enfant. Non, pas forcément enfant, mais. Pas, c'est, on dirait une souche d'arbre, en fait, avec deux trous. Je sais pas, trop. Il est un petit peu moins expressif du visage, peut-être, ouais. Je sais pas, ça. Pauline, t'as pensé quoi de ce Groot-là, si tu t'en souviens? Écoute, ça m'a pas autant marqué que ça. Ça t'a pas marqué, toi? Ah, ouais, ça m'a marqué, moi. Alors, en tout cas, j'ai trouvé massif, quoi. Vraiment grand. Ouais. Et j'ai trouvé que. Bon, c'était dommage, j'aimais bien ce Groot-là bodybuildé, assez badass. Mais bon, après. Bah, il était déjà comme ça dans le film de Noël, donc c'était oui, pas oui, une... ça, c'était donc... pas une... ouais. Oui, enfin, on l'a percevé. Oui, mais ça m'avait beaucoup surpris dans le film de Noël, par contre. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que dans le film de Noël, ouais, il apparaît au début, je crois. Et à la fin. Ouais, ouais, quand il danse sur, ouais, sur la chanson de Noël, là, qui est trop drôle, d'ailleurs. Donc, j'ai réussi à retrouver la version. La version, elle est sur Spotify. Mais la version anglaise, elle n'a pas. D'accord. Elle n'est pas, elle est pas en version française. C'est dommage, j'ai bien aimé la version française. Donc, voilà. On va parler. On garde Rocket pour la fin, on est d'accord. Hein. Donc, on va essayer d'en faire d'autres. On en a encore plein. Alors, on a. Alors, je vais faire les deux. Kraglin et Cosmo. Cosmo, c'est le chien. Ça va, c'est pas trop dur. Non. C'est le chien. Ah, Mika, il veut parler du chien. Alors, vas-y, Mika. J'aime bien Cosmo dans les comics. Il me c'est semble un homme c'est dans les comics. C'est un garçon. C'est un mâle. C'est pas une femelle. Ça m'a surpris, en fait, la voix quand il se met à parler. Normalement, il parle par télépathie. Mais j'ai trouvé le système de combinaison pas con dans les films. Ça fait penser à là-haut un peu. C'est ça, ouais, un petit vrai. Doug. C'est vrai. Ouais, ouais. Il a dit que j'étais un mauvais chien. Franchement, franchement, ça m'a vachement fait rire tout ce truc-là. En plus, à chaque fois que tu reviens dessus, qui est là en train de dire non, mais dis-le que tu le penses pas. Et puis c'est une thématique tout le long du film, quoi. Et j'ai vraiment trouvé ça super génial, quoi. Et après, il était un bon chien. Ouais, maintenant je vais t'aider. Je savais que tu le pensais. Tout. N'empêche que Cosmo, faut savoir, c'est un chien qui. Okay, c'est un mâle dans les comics, mais c'est une femelle dans le MCU. Mais donc il a des pouvoirs télépathiques et d'ailleurs on peut voir qu'il exerce. Il est très puissant au niveau de la télépathie puisque on a pu le voir, il était capable de retenir Nowhere proche de la sorte du vaisseau autour du maître de l'évolution assez longtemps pour sortir tous les enfants et les animaux de là. Donc pour vous dire qu'il est très puissant. Et Kraglin, voilà. Mm-hmm. Lui c'est lui qui a récupéré la crête. Ouais. Et oui. La flèche. C'est le frère de James Gunn d'ailleurs. Ah ouais. Oui, j'allais c'est Sean Gunn. C'est le frère du. C'est son frère. Ouais. C'est son frère. Sean Gunn. Donc il l'a récupéré. Donc il. Je sais pas. Moi je trouve ça c'est drôle. Il n'arrive pas trop à utiliser les pouvoirs jusqu'à qu'il y arrive au bon moment, on va dire. Donc eux ils font partie des Gardiens de la Galaxie déjà dès le départ. Mais dans la scène post-générique, on voit qu'ils font maintenant par contre partie intégrante, puisqu'il ne reste plus que Groot, Rocket, ces deux-là. Et Warlock. Voilà, Warlock, et on Warlock, en parlait tout à l'heure. Et puis, donc, ils sont là tous les deux. Et bien justement, Olivier, parle-nous d'Adam Warlock. Alors, t'as bien aimé? J'ai bien aimé. Alors, je ne connais pas du tout les comics, a priori, il y a un peu trahison, je crois. Ah oui, complètement. Ouais, justement, j'ai aussi vu les avis. Donc, en tant que spectateur lambda qui ne connaît pas les comics, j'ai bien aimé son personnage. Après, j'attends que vous m'expliquiez, justement. Mika va t'expliquer dans les comics. Parce qu'apparemment, d'après ce que j'ai compris, il y a eu trahison. Enfin, c'est pas. Ah oui, voilà. Clairement. C'est pas le j'ai compris aussi. Hein. Non. C'est pas le Warlock des comics. Donc. Non, mais c'est l'habitude du MCU, c'est qu'ils vont prendre des morceaux des comics, mais ils vont les mettre dans leur film, mais c'est déjà. C'est comme le mandat. C'est comme le mandat. C'est comme le mandat. Mais ça passe, hein. Des fois, ça passe. Des fois, ça passe. Moi, j'ai bien aimé, mais Ah bah là, ça passe pas. Pour Warlock, moi, je trouve que ça passe en vrai, parce que le perso était. Tellement pas central au film que dans la finalité de l'avoir rendu aussi débile. Il fait penser à Drax, c'est sûr. Oui, ça passait avec cet acteur qui je trouvais que ne passait pas à l'origine parce que Warlock étant censé quand même être un être parfait, magnifique, tout ça. Et je trouve qu'il a un peu une tête de con cet acteur. Non, mais c'est vrai, mais du coup, je me suis dit putain, pourquoi ils l'ont pris à lui? Enfin, il ressemble à rien quoi en soi pour le perso. Et au final, je trouve que le rôle lui va vraiment. Super bien le fait d'être un peu con comme ça de le perso m'a pas gêné en tant que tel pour le MCU mais par rapport à sa version comique j'avoue que c'était c'est quoi les différences en fait oui justement ouais il est plus sanguinaire je crois déjà non enfin il badass non ouais il est puissant il est pas con déjà. Ouais c'est ça parce que là il... Je pense que c'est vraiment le fait qu'il soit pas débile comme ça quoi. C'est normalement il est vraiment puissant, mais c'est pas forcément un méchant non plus. Mais là vraiment c'est Bah, c'est comme si tu prenais. tu vois Thor en personnage ultra puissant, intelligent et tout, et que tu faisais Thor Love and Thunder. Et. C'était à peu près sur le même niveau de ce qu'ils ont fait à ce perso. Adam Warlock, en gros, a été créé par le maître de l'évolution, si je ne me trompe pas, Mika. Ouais, c'est ce qu'il dit dans le film. Ouais. Il de son cocon. D'ailleurs, toute la société d'où il vient, voilà. C'est l'être suprême, ultime, en fait, né avec des gènes parfaits, c'est un peu l'idée. Bah, un peu comme la quête du parfait du peuple auquel il appartient. Et il officie principalement sur Contre-Terre, la fameuse Terre que tu as vue, qui a créé. Donc, c'est un personnage très puissant. Il fait partie des gardiens de la galaxie, notamment. Donc, mais c'est pas l'idiot du village comme on a là. Moi, j'ai l'impression que c'était un Drax plus jeune. C'est pas... Pour moi, ils l'ont traité de la même manière. Et d'ailleurs, je pense qu'après, ils vont faire pareil. Je pense qu'en fait, ils l'ont pas fait. Ils l'ont pas rendu agressif, enfin menaçant, pour pas faire de l'ombre au maître de l'évolution, je pense justement. Mais ça vous a choqué de le voir comme ça? Vous y attendiez ça t'a choqué? Non, moi je croyais qu'il allait venir pour péter des bouches. Je m'attendais à ce que ce soit pas un vieux village. Hein. Si t'as pas pu avoir déjà mal. Issue du village. Non, mais c'est franchement, comme disait Mika, qu'il soit là ou pas. Enfin, si, heureusement qu'il est là parce qu'il sauve Star-Lord. La scène où il arrive et qu'il défonce tout, moi j'ai adoré la scène du début. Oui, bah c'est à cause de lui. Oui, mais bon, il fallait bien trouver une raison pour que Rocket soit pas bien. Voilà. Oui. Donc, mais je te disais, si pour en revenir à ce que tu disais d'ailleurs tout à l'heure, Olivier, si Star-Lord avait eu son casque, il n'y aurait pas eu de problème. Ouais, c'est vrai. Et tu vois, regarde, par exemple, par contre, il y a certains trucs qu'ils ont gardé de lui, c'est à peu près, tu sais, vu qu'il venait de naître, entre guillemets, qu'il sortit de son cocon, c'est que dans les comics, par exemple, quand il sort de son cocon, il sait pas comment se passe la vie, il est inexpérimenté, tu vois. Le contact avec les gens, il sait pas trop ce que c'est, le dialogue, la sociabilisation, etc. Il sait pas ce que c'est. Et là, tu le vois bien, par contre. Tu vois bien qu'il est un peu, il est attaché à sa mère, mais il a pas une expérience de la vie très longue, tu vois. Il connaît pas les interactions forcément avec les gens, avec les animaux non plus. Et là, il est très attaché à un chien, tu vois. Ça, par contre, c'est le truc que j'arrive pas à comprendre non plus. Dans les comics, par contre, il se marie avec Sif. Dans les comics, il se marie avec Sif, à mon souvenir. Donc, mais bon, c'est pas le tu le sais pas du tout la Dame Warlock qui pète des bouches et qui est à peu près intelligent, quoi. Là, c'est l'idiot du village. Enfin, ça, il pète des bouches quand même, mais bon. Ouais. Il est pas futé, quoi. Non, il est pas futé. Ouais, c'est ça. Franchement, quand je l'ai vu, je t'ai dit, j'ai eu la même impression que le traitement de Thor Love and Thunder pour Thor, quoi. Juste un débile. Ouais. Attaché à son chien. Donc, oh, il est trop chou, la bestiole. C'est vrai, ça me fait penser, c'est à la bestiole dans Shang-Chi, Maurice. C'est le cul, c'est la tête, c'est quoi? Bah, comme dans Shang-Chi et Iron Man 3, le mandarin, t'as vu ce qu'il est devenu, hein? Oui. C'est pas le bon, mais. Où tu vois, le mandarin, je le trouve plus. Enfin, je le trouve vachement sympa dans Shang-Chi, alors que. Ouais. J'ai une telle trahison dans le Iron Man 3 que je n'arrive même pas à revoir ce film d'ailleurs. Ah bah, ouais, mais moi, c'est ce que j'ai trouvé génial, justement. Parce que je connaissais le mandarin en comics. Et j'ai trouvé ça couillu au possible. J'ai détesté ce qu'ils ont fait. Ah, moi j'ai adoré, mais bon, ouais. Je comprends qu'on n'aime pas. Hein, mais... Bah, quand c'est un des plus grands ennemis d'Iron Man d'en faire ça, c'est vraiment comme si tu prenais le Joker, tu vois, dans Batman, et tu fais en fait non, c'est juste un acteur à la con. C'est sûr. Ouais, je comprends, mais ça m'avait plu. Mais... Non, mais après, comment. C'est quand tu vois le Adam Warlock du MCU des comics, tu peux être déçu si tu compares. Mais tu vois, si tu l'as trouvé sympathique, drôle, c'est peut-être parce que voilà, t'as pas lu les comics. Ah oui, c'est ce que je dis. J'aurais lu le comics, peut-être que ça m'aura pas plu. Hein, mais ouais, bah après, il faut vraiment pas comparer systématiquement le MCU, parce que sinon, il y a quasiment tout qui déçoit dans la finalité. Ouais, c'est ça. Faut pas chercher à comparer, parce que Mais après, il y a des trucs qui sont pas mal qui reprennent, tu vois, mais c'est pas. Après, c'est toujours comme ça avec les adaptations. Oui, voilà. Après, c'est peut-être mieux. Voilà. c'est peut-être mieux qu'ils prennent pas comme les comics, sinon quand t'es fan tu te dis oui. Bon moi je revois la même chose. C'est l'avantage qu'il y a avec une adaptation d'un comics comme ça, c'est qu'il y a eu tellement de versions et reversions dans les comics que c'est moins grave d'avoir une nouvelle version pour oui. Parce qu'en fait ils font quand t'es lecteur de comics ils font des arcs, tu sais, ils font des arcs différents en fait, donc du coup avec des fois t'as des origin stories différentes, des histoires différentes, etc. Donc ils font des arcs et du coup bah tu peux avoir un personnage Doctor Strange comme ça et puis ils font 2-3 arcs et c'est différent, voilà. C'est par arc qu'ils font, mais c'est plutôt pas mal. Donc ouais, c'est pas, mais bon après moi je l'ai trouvé quand même inutile, hein. Honnêtement, enfin honnêtement il est là ou pas là, tu vois, je pense qu'en fait il est là pour introduire les nouveaux gardiens. Moi je trouve qu'il est surtout là parce qu'ils ont montré le cocon dans les autres films et qu'il fallait quand même l'introduire, quoi. Tu crois? Quand on te montre le cocon à la fin en disant non mais il va arriver et tout, bah ouais, mais ouais, c'est vrai. Un problème ouais. Maintenant. Bah, après, ouais, moi je suis pas sûr parce que vu qu'ils ont ils avaient dit ça sera à la fin les gardiens de la galaxie de James Gunn. Donc on savait qu'il y en aurait des nouveaux. Oui, il faut une nouvelle équipe de toute façon. Voilà, et en fait fallait bien introduire des gens. Vu le carton qu'a fait le film, je pense qu'il y aura une suite. Hein. Par contre, le prochain, si jamais il y a un 4, imaginons qu'il y a un 4. Ouais. Et imaginons qu'il y a un 4 ou qu'ils apparaissent sur d'autres films, on en parlait tout à l'heure, le gars il a pas intérêt de se foirer. Hein. Bah franchement, quand tu sors d'un chef-d'œuvre comme ça. Mais franchement, la nouvelle équipe qui est proposée à la fin fait pas envie, hein, sincèrement. Pourtant, j'adore Rocket, j'adore Groot. Ouais, mais je trouve que j'arrive pas à imaginer de l'alchimie entre. En même temps, quand tu prends du recul entre un tronc d'arbre, un raton laveur, un chien. Un siffleur. Ouais, je trouve que visuellement, si c'est bien écrit, ça peut être pas mal, hein, mais après, je pense ça, pas. Ça fait pas rêver, je trouve. Mais bon. Après, c'est sûr, c'est ça. On verra bien. Bon, après, c'est pas. Je pense pas qu'il y ait de film dédié. Je pense qu'on les reverra dans Kang Dynasty, Secret War. On les reverra là, mais on les reverra pas. Ouais, dans les Avengers, de nouveau. Ouais, c'est ça. Bon, je pense pas qu'on les revoie vraiment dans un film dédié. Ou ça va être dur. Ils vont peut-être pas oser, je pense, le faire. Alors, j'ai une théorie, mais. Le carton qu'il y a eu pour celui-là aussi. Hein. J'ai une théorie, mais j'en parlais tout à l'heure. Voilà. Ouais. J'ai une théorie tout à l'heure sur le podcast qu'on a enregistré, et Olivier, il était d'accord avec moi. Ouais. Donc, ouais. Ouais. Ce qu'on a enregistré tout à l'heure, un podcast sur Star Wars. Du coup, on va parler du principal. Celui qui vous met en stress pendant 1h30 sur 2h30, quand même. Qui, alors attendez, je vais compter. Alors, on est 4, j'ai levé la. Qui a stressé pendant 1h30, levez la main. 1, 2, Mika, 3, voilà, 3, 4, voilà. J'étais en PLS, hein, tout le film. Hein, alors vas-y, Olivier, pourquoi t'étais en PLS? On est d'accord, tu parles de Howard le canard. Pardon? On est d'accord, tu parles de Howard le canard, là, c'est ça? Ouais, c'est excellent. Il joue au poker. Oui, alors, moi j'étais. Pourquoi? T'as eu 1h30 de stress. Parce que on s'attendait à ce que, pour clôturer, pour faire tomber l'alarme, il y allait avoir un des personnages qui allait mourir. Donc j'ai au début soupçonné Drax, parce que je sais que l'acteur qui a plus de 50 ans, il avait dit qu'il voulait arrêter parce qu'il en avait un peu marre et qu'il était trop vieux et qu'il en avait marre de faire des régimes à son âge pour avoir un corps d'athlète. Et puis effectivement je croyais pas trop à la mort de Rocket parce que c'est ce que la bande annonce sous-entendait en fait déjà. C'est ça. Et alors, puis quand même, je fais un point, de manière générale, je vais reprendre après, mais de manière générale, je ne vois pas Disney se passer de ce qui fait vendre. Oui. Oui. C'est-à-dire que c'est si clair. Te tue Rocket Raccoon, je crois que là. Oui, non, mais. Bon, ils ont bien tué Iron Man. Ouais. C'est toi qui le dis. Non, c'est sûr. Oui. Non. Faut pas. Reprends Olivier. Plus le film avance et plus je me suis dit, il va peut-être y passer quand même. Enfin, j'étais en stress tout du long et j'ai été extrêmement soulagé quand finalement il est sauvé. Mais après coup, je suis content que Rocket soit sauvé. Hein, mais après coup, je me suis dit, si au lieu de se réveiller au moment où on croit qu'il va mourir, il serait vraiment mort. Le film, il aurait eu mille fois plus d'impact. Ouais, franchement. Je pense que ça aurait été un gros fuck aussi de James Gunn à Disney. Je pars chez des oui, oui, au revoir. Merchandising. Mais en fait, c'est... Après, j'étais content hein, que Rocket soit vivant. Hein. Mais en fait, en y réfléchissant après, je me suis dit, punaise, le film, il aurait pris une autre dimension. Trop dramatique, de toute façon. Donc, c'est évident qu'il ne l'ait pas fait, comme tu dis, pour le merchandising et puis pour les enfants. C'est mais si tu tuer Grogu, c'est pas possible. Et, tuer, voilà. Et en fait, j'étais persuadé qu'un personnage allait mourir. Et puis, j'ai vraiment cru, à un moment donné, que Chris Pratt allait y passer. Que Star-Lord, parce que je m'étais dit qu'il c'était sûr qu'il voulait arrêter son rôle et puis qu'il allait a priori rejoindre le DCU avec James Gunn. Donc je me suis dit que Peter Quill allait peut-être mourir. Et pourtant, c'est le seul où ils te disent Star-Lord reviendra. C'est le seul. C'est vrai. Ouais, mais j'ai une théorie. J'ai une théorie. Ouais, ils disent pas les gardiens de la galaxie reviendra. Il dit Star-Lord reviendra. Star-Lord, et il précise pas lequel. Justement. D'autres. Du multivers, peut-être, non ? On va en parler. On va en parler. Alors, Pauline, pourquoi tu as eu 1h30 ? Alors, du coup, Olivier, c'était PLS, donc toi aussi. PLS et pleurs pour Olivier, hein, si j'ai bien compris. Tout en se faisant fouetter par Gamora, bien entendu. Si seulement. Alors, Pauline, toi, pourquoi 1h30 de PLS ? Ah, c'était... Je pense que c'était 90% de pleurs. Je vous jure, je vous assure. Le film, il a commencé... Non, mais je vous assure, le film, il a commencé... La photo de Pauline et sa pote. Au bout de 5 secondes, j'ai dit à ma sœur, passe-moi le mouchoir, je suis déjà en train de pleurer. 5 secondes, hein ? 5 secondes, je me suis dit, c'est pas possible. En plus, j'ai appréhendé avant d'y aller, parce que j'ai vu... Alors, j'essaie de ne pas me faire spoiler au maximum. Et je vois les gens sur Facebook, sur les groupes Facebook, qui disaient il est dur, il est super dur le film. Et je me suis dit oh là là, mais qu'est-ce que. Je vous jure, c'est la première fois que je vais voir un Marvel la boule au ventre. Hein. J'étais pas bien. Et je me suis dit ça craint, ça craint. Le film, il commence 5 secondes, je pleure. Je dis à ma soeur, passe-moi mon choix, c'est mort. Et tous les flashbacks, je vous jure, tous les flashbacks, j'ai pleuré. Tous. Il n'y en a pas un où je n'ai pas pleuré. Et en plus, d'un coup, il y a un flashback où tu es en larmes et d'un coup il y a le côté comique qui revient et tu es en mode purée, la balance d'un coup elle s'inverse. Je vous montre quand même la photo pour voir ma tête à la fin. Tellement j'étais au bout de ma vie. Excellent. Mais sur 2h28. T'es encore plus belle en larmes, Pauline. 2h28. Je vous jure, j'ai jamais autant pleuré pour un film. Hein. Jamais. Hein. Et ça va tellement. Oh. Mais comme Olivier. Enfin, presque. Moi, j'étais persuadée qu'il n'allait pas mourir parce que je me suis dit, tu ne peux pas passer trois quarts du film où il n'est pas là et le faire mourir. Je me suis dit, c'est pas possible. Tu ne peux pas le laisser trois quarts du film, il est inconscient et finalement, tu le fais mourir. En fait, tout ça pour ça, je me suis dit, c'est pas possible. Par contre, comme Olivier, j'y ai cru pour Star-Lord à un moment donné. Ah ouais, j'étais sûre. J'ai eu vraiment le doute. Je me suis dit, il y a quelqu'un qui allait mourir. En plus, on voyait les idées sur Internet, les gens qui disaient, oui, en général, l'affiche, on va dire le logo du film, est en rapport avec le personnage qui décède. Et en fait, par exemple, dans le 2, quand Yondu, il meurt, ben en fait, le logo, il est en bleu, tu vois. Enfin, il y a un rapport par rapport à ça. Dans le premier, c'est par rapport à Groot. Et le 3, il montrait que c'était un peu dans les styles Rocket et tout. Et je me suis dit, c'est pas possible. Et du coup, je me suis dit, bon, si trois quarts du film, il est comme ça, c'est pas possible qu'il décède. Je me suis dit, tu peux pas faire ça. Mais par contre, pour Star-Lord, j'y ai cru. Mais après, pour moi, je pense que c'est le premier film Marvel, et même, je pense, de tous les films que j'ai vus, qui m'a le plus touchée sur le côté vraiment de la maltraitance animale. Ça a été c'est magnifique, mais c'était très, très, très compliqué. Et quand je suis allée voir le film, j'ai des amis à moi qui emmenaient leurs enfants, et je me suis dit, certes, ils sont plus jeunes, ils comprennent un peu moins, mais c'est déjà dur pour un adulte. Alors, pour un enfant, c'est compliqué, tu vois. Je veux dire, moi, je pleurais tout le film. Alors, j'imagine pas un petit de 6 ans et j'ai vu des enfants. Alors, je vous assure, pendant le film, je pleurais, ma sœur pleurait à côté et tous les gens devant moi étaient en train de pleurer, des hommes et des femmes. Hein. Tous. On était tous en larmes. De pignette, là, au cinéma. Oh non, mais c'était un de ces trucs. Et pourtant, je suis pas allée jouer avec ses dents de mouchoir. Plus de mouchoir. Oh non, mais un de ces trucs. Et franchement, c'est pour ça que je me dis que ce Marvel, c'est mon préféré et en même temps, c'est le pire. Ça a été vraiment douloureux et beau en même temps. On peut dire que James Gunn a joué avec ton cœur et tes émotions. Et d'ailleurs, je me suis posé la question, quand on le reverra une deuxième fois, qu'on connaît l'aboutissement, le final du film, je serais curieux de le revoir en fait. Je pense que tu auras la même émotion. Oui. Bah, moi, je l'ai vu deux fois. Ouais, pareil. peu de choses, c'est pareil, ça touche toujours autant. J'ai chialé deux fois, hein, donc. D'accord. Surtout que derrière, t'as en plus la situation de Rocket, donc le personnage, t'as quand même. Enfin, tout le monde en parle, mais t'as aussi. C'est PETA qui a dit ça, que c'était aussi. T'as derrière aussi tout ce qui est la défense des animaux, etc. Derrière. Ouais. Quand tu vois les mignons petits ratons laveurs, quand tu vois qu'ils ont fait un lapin, araignée, etc. Bon, on n'est peut-être pas à ce niveau-là, mais tu te dis, à derrière, t'as quand même une belle morale derrière, quand même. Donc ouais. ça aide pas, parce clair. Que quand tu vois le film, moi, je me suis dit, l'être humain, il est en train de faire ça. Enfin, pas à ce niveau-là, mais on fait ça, nous aussi. Quand même. Bon, c'est pas tout. Hein. Ouais, c'est ça. C'est ça. Quand t'arrives maintenant à faire des produits... vegan, je crois que c'est ça. Oui, c'est vegan, c'est ça. Où tu expliques que le shampoing n'a pas été testé sur des animaux. Tu dis putain, ils testent des shampoings. Là, t'es un peu à la rue, quoi. Ils testent des shampoings chez les animaux. Mon épouse m'a dit même le maquillage est testé sur les animaux. Tu dis c'est pas possible. Tu vas pas mettre du rouge à lèvres à un singe, tu vois. Tu dis c'est pas possible. Même fait bah si, c'est le cas. Tu dis putain. Tu dis. Et d'ailleurs, c'est PETA, l'association PETA, qui a dit que justement le film des Gardiens de la Galaxie 3 est celui qui révèle plus le problème lié aux expériences sur les animaux. C'est vrai. Donc tu as cette situation-là qui est touchante de Rocket, où vraiment, c'est vrai qu'il joue sur les émotions, hein, faut dire ce qui est. Oui. Surtout que c'est le deuxième meilleur ami de. de Star-Lord. Bref, du coup, il est là sans être là. Je sais pas si vous avez remarqué. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Si. Il est. Ouais, sa présence, elle est. On la sent plus grâce à tout ce qui est flashback. Tu vois, on sent, c'est vraiment que là, l'histoire, elle est là. C'est vraiment basé sur son passé. C'est l'élément principal du film, après. Ah oui, ça a fallu que ça ne pas le mettre de l'évolution. Hein. Et puis, il y a une super révélation qu'on apprend aussi à son sujet. Vas-y. C'est un véritable raton laveur. Oui. C'est... il l'a dit. Je suis Rocket Raccoon. Ouais. Mais... Ouais. Alors, tu sais, Léla, qui fréquente la loutre, là. Alors, moi, j'étais surpris parce que j'ai joué au jeu vidéo, pas le dernier qui est sorti, de Gardien Galaxy. Un autre, en fait. Et en fait, elle était dans le jeu vidéo, là. Donc, j'étais vachement surprise de la voir. Ouais. Je vais dire, c'est quoi ? Ouais. Vous pouvez y jouer si vous avez adoré. Attends. C'est ce qui est sur PS5, là ? Non. Je sais pas. Alors, moi, j'ai joué sur PS4. C'est un jeu vidéo narratif. C'est pas le même. Non, il est sorti il y a un moment déjà. Et j'y ai joué et elle apparaît dedans parce qu'à un moment, tu as un épisode où tu reviens sur la vie de les origines de Rocket et elle apparaît. Et j'étais méga surpris. Genre, oh la vache, ça elle est là comme dans le jeu vidéo. Peut-être qu'elle était dans un comics, c'est possible, hein, je sais pas. Du coup. Alors, je n'ai pas le souvenir. Après, j'ai pas tout lu, mais attends, c'est parce que faudrait que je te retrouverai le jeu vidéo. Mais c'est un jeu vide. C'est pas le dernier qui est sorti. C'est un jeu vidéo narratif ou Batman là. Hein? Pas ceux qui avaient fait des Batman aussi, le Batman. Si, c'est ceux qu'on fait aussi Batman et ceux aussi qu'on fait Walking Dead en narratif. Ah oui, le Batman était bien, ouais. J'avais joué au Batman. Narratif aussi. Ah ouais, de gardien, ouais. Mais ils sont pas mal leurs jeux. Ouais, ils sont pas mal. Mais je sais pas s'il existe encore le. Ah, je sais plus. En bref, elle a été dans ce jeu-là. J'étais surpris de la voir au cinéma. Quand je l'ai vue, elle est là. Putain, j'étais. Je suis ouais, comme dans mon jeu vidéo. Donc moi, elle m'était pas inconnue, si tu veux. Elle est là. Parce que je l'avais déjà vue. Mais pendant qu'on parle, je vais essayer de la retrouver. Du coup, il y a un moment donné, on le sauve quand même, le pauvre petit. On le sauve. Donc en fait l'histoire se base sur après il faut sauver le soldat Ariane, du coup il faut sauver le soldat Rocket, hein, faut dire ce qu'il est. Donc il est sauvé et là Pauline, vu que tu étais chargée en émotion, alors est-ce que t'as retrouvé ton Rocket adoré? Oui, t'es soulagée. Et du coup j'étais encore plus attachée au personnage. Tu sais, quand tu comprends l'histoire de quelqu'un, tu le vois tellement différemment. Que là, le fait de voir vraiment son histoire et son passé, je me suis encore plus sentie attachée au personnage. Alors, je l'aimais bien dans les deux premiers, tu vois, mais là, tu vois, je suis un peu comme les autres personnes au point de se dire c'est mon personnage favori, tu vois, du coup. Parce que quand tu comprends un peu ce qu'il a vécu et comment il est, ben, tu vois, tu t'attaches plus. aparté, j'ai retrouvé le jeu. C'est Guardians of the Galaxy, The Telltale Series. C'est ça, les Telltale. Ah ouais. Voilà. Et ben, jouez. Si vous avez aimé les Guardians of the Galaxy, même si vous jouez, c'est sur 5 épisodes. Et chaque épisode, c'est une histoire différente. Et enfin, c'est une histoire, mais du coup, t'as des révélations sur le passé, d'ailleurs, de même de Groot. Donc voilà. Donc si voilà. Mais il faut vraiment. Il coûte pas cher, je crois. 2017 le jeu, donc. Pas qu'il soit... 2017 euros, j'avais dit quoi. 2017 euros. Il est pas cher. Hors taxe. Donc, non, non, c'est un super jeu, je vous le conseille. Moi, je sais que je l'avais mangé super vite. Quoi. Donc, j'avais beaucoup aimé. Bon, dans tous les cas, Mika, toi aussi, alors, est-ce que c'était comme dans la même situation que Pauline? C'est-à-dire que, voilà, Rocket va mieux, ça y est, on se pose. Il renaît de ses cendres. Hein. Alors, ouais, t'as en fait, là, tu te remets. Enfin, moi, je me suis un peu remis de mes émotions à ce moment-là, et c'est vraiment le moment où le gros de l'action du film commence pour de vrai, en fait. Et où tu as, une fois que t'es remis de ça, t'es à fond dans ça pétarade de partout. Il y a un plan séquence la scène de ouf. Le plan séquence de ouf là. Ouais, la scène dans le couloir là. Ouais, c'est ça. Le vaisseau là. Oh là là. Et c'est là où tu vois, t'as les vrais gardiens, ça y est, ils sont retrouvés, ils sont coordonnés et tout. Même Gamora, qui n'était pas la bonne, elle est coordonnée avec tout le monde, puis avec son sabre et tout. C'est, tu sens que la scène a été faite pour de la 3D, par contre. Oui. Ah, vous l'avez vu tous en 2D ou en 3D? 2D. Oui, il y avait des séances 3D, je suppose. Oh oui. Oui, il y en a quand même. Il y en avait beaucoup. Enfin, moi, je sais que cinéma, j'avais qu'une cinéma, séance. Je sais qu'il y en avait pas mal. Hein. Ah non, moi, j'en avais 3-4 dans le cinéma. Là où je suis allée, il y en avait 3-4. D'accord. Ah oui, il y en avait quand même pas mal. Il était même en 4DX et tout, le film. Hein, donc, Oui, en 4D aussi, oui. En 4D. Ouais. Il y en a qui ont vu en 4D. Je crois qu'à Belfort, par exemple, ils ont passé en 4D. Ouais, mon meilleur. Si je ne me trompe pas, c'est Belfort. Oui, Mika. Ouais, moi, mon meilleur ami est allé le voir en 4DX. Moi, je n'y ai pas pu. Il n'y était plus quand j'ai vu les lois. Bah, lui, c'est éclaté en 4DX. C'est sympa la 4DX. J'avais fait Black Widow, moi, en 4DX. Ça dépend, tu vois. Là, je me suis fait le dernier Fast and Furious en 4DX. Bah, plus c'est jamais. Pas bien. Ah ouais. Pourquoi? Parce qu'il y avait une diesel? Non. Il s'appelle Groot aussi, mais... Non, c'est que ça secouait vraiment, vraiment trop. Pour le coup, j'ai failli vomir. Ça a été... T'as pas de pause dans ce film pour que les sièges arrêtent de bouger dans tous les sens et reprendre un peu ton souffle, tu vois. Faut pas acheter de popcorn, quoi. Bah, de toute façon, c'est interdit. T'as pas le droit de prendre de la bouche. T'as pas le droit. Ah, bon, ouais. Popcorn. Putain, allez, 10 balles en l'air, 10 balles en l'air. Bon, en tout cas, Olivier, toi aussi, tu as retrouvé ton, du coup, les émotions. Ça y est, c'était parti. Donc, oui, t'as retrouvé ta joie de vivre une fois que Rocket. Tout à fait, mais j'avais une crainte. Je me suis dit, bon, alors, si, pour moi, j'étais persuadé qu'il y en avait quelqu'un qui allait mourir. Donc ma question dans ma tête, c'était, c'est qui va mourir du coup? Ouais, mais non. En fait, j'étais persuadé que quelqu'un allait mourir. Faut vous dire un truc. Ce qui fait vendre des personnages que les gamins adorent, ils ne les tuent pas. Iron Man, ils l'ont bien tué. Ouais, mais c'est pas pareil. C'est vrai que c'est pas pareil. C'est encore différent. C'était le personnage préféré de beaucoup de personnes. Hein. C'est un adulte. Ouais, c'est pas un animal. C'est un animal, et tout. Ouais, je vois ce côté-là. Grogu, ils vont pas le tuer. Hein. C'est savoir, alors. Alors. Non, ce qui fait vendre. Hey, on la voit dans. Tu vas à Disneyland Paris, t'as vu toutes les. Là, ils ont sorti des nouvelles peluches. Rocket et Groot, quand j'y suis allé il y a un mois, on s'est vu, Olivier, ça n'a pas arrêté d'en acheter. Hein. Donc, Non, parce que je veux dire, quand, une fois que Rocket était sauvé, je m'attendais qu'un personnage, pas Gamora ou... J'allais dire pas deux fois quand même. T'es dit pourquoi pas. On va finir brûlé. Je sais pas, ça aurait pu être Nebula, ça aurait pu être... Non, pas Nebula. Drax ou... Ah, je pense que Nebula, ça aurait peut-être moins marqué. J'aurais pensé non, mais il pouvait... Drax. Moi, j'aurais bien voulu qu'il tue Adam Warlock, tu vois. Ça m'aurait fait marrer. Oh. Ça sert à rien, ce personnage. Ça sert à rien. Oh non. Non, mais bon, en tout cas, c'est vrai que... je sais pas vous, Bon, on était attaché à Rocket déjà au précédent, quand même, même à Avengers, hein, on était attaché à lui. Quand il va avec Thor, dans le Stormbreaker, etc. Hein, moi, dès le premier film, j'ai sûr qu'il fait Rocket. Hein. Ouais, dans non, mais là, je trouve qu'on passe un cran au-dessus. Là, t'en prends quand même une bonne claque hein, là, de Rocket. Donc, bon, on le reverra. C'est pas. Ouais, mais finalement, le Rocket adulte, entre guillemets, tu le vois très peu. Hein. Tu dois le voir 20 minutes dans tout le film. Oui, ouais, c'est ça. Oui, parce que tu le vois à dos. Voilà. D'ailleurs, tu le vois même que maintenant, tu sais même pourquoi il a ce masque, le maître de l'évolution. C'est parce qu'il lui a charcuté. Ah ouais, le... ouais. Il lui a charcuté le. Bien, là. Il a pas bien, mais bien charcuté. Il l'a pas mais, raté. Bah non. Mais non, et puis même les personnages avec qui il est enfermé en prison, enfin, en bref, dans la cage, ils sont attachants. Allez, c'est Pauline pleure. Ah non, mais. Je te jure, non, franchement, le lapin araignée, ça vaut le coup. Le petit lapin. Arrête. En plus, j'ai un lapin, j'étais au bout de ma vie. Vous avez vu le lapin de tout. Quoi, tu as mis des pattes d'araignée? Oh non, en plus, il a un truc, tu sais, sur la bouche, là, en métal. Là. Tu sais pas s'il y a un piège à loup. Mais pour te dire que. T'as vu le phoque aussi, le phoque à moustache là, qui est sur des. Qui est en fauteuil blanc. Non, c'est horrible. J'ai mis des. Et là, elle a des mains, c'est des. Ah oui, c'est ignoble. Mais bon, c'est. C'est affreux. C'est une morale. Quand tu regardes, quand je regarde des fois des images passées sur Facebook, des extraits, j'ai encore mon estomac qui se retourne. Tu vois, enfin, ça m'a tellement marqué, mais vraiment, je ne vois jamais comme ça. Bah, la et scène qui jour à m'en remettre. Hein. La scène qui m'a glacé, c'est quand justement quand il se rend compte que ses copains se sont tués et qu'il se met à crier. Ah ouais, celle-là. Pouh, ah c'est horrible. Oh, punaise. Là, il se met en mode vénère. J'en ai des frissons. J'ai des frissons. Ouais. Il se met en mode vénère. Ouais. Il se met en mode vénère. J'ai versé 10 litres de pleurs. Voilà, là, j'en peux plus. En plus, tu vois qu'il peut s'échapper alors... comme il veut parce qu'il s'est fait sa propre carte magnétique pour sortir, qu'il avait dispensé, qu'il avait dispatché un peu partout. En tout cas, oui, c'est, oui, cette scène-là, elle est, pff, elle, puis, elle est... Et c'est vrai que là où j'ai trouvé ça sympa, c'est qu'il aurait pu être adulte et puis, enfin, on aurait pu revenir à sa version adulte. Ils ont tué le maître de l'évolution, ça s'arrête. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'il est resté dans le vaisseau pour tous les sauver, un peu comme l'arche de Noé, tu sais. Il y a Cosmo qui retient justement Nowhere proche du vaisseau et puis il faut sauver tous les animaux. Bah, et d'ailleurs, les êtres humains aussi. Et je me suis dit, vu qu'on est comme dans la jeunesse, s'il n'y a pas un message du sort, on est des animaux en fait, on se retrouve parmi eux, tu vois. Enfin, c'est peut-être loin, mais je me suis dit peut-être qu'il y a l'image de se dire, bah, ils sauvent des animaux, comme l'arche de Noé, enfin, moi ça me faisait penser à ça. Et je lui ai dit, tiens, il y a des humains aussi sur le vaisseau et peut-être qu'il veut nous dire, James Gunn, bah, qu'on est des animaux parmi la nature, quoi. Donc peut-être je vais peut-être trop loin, mais en tout cas j'ai trouvé l'image de Rocket revenir sur le vaisseau ou rester sur le vaisseau jusqu'à tous les sauver, bah, j'ai trouvé bien. Et genre la petite scène elle est toute mignonne avec les ratons. Enfin, je sais pas, moi, non, ça vous a pas aimé plus que ça? Oui, si, faut non, pas plus que ça, non, mais ouais. C'est vrai. Bon, ça bon, y a que moi. Bon, en tout cas sachez que Dave Bautista a adopté un raton laveur, voilà, c'est dit. Ah ouais. Ouais, un acteur qui joue Drax. Il a adopté un. Pourquoi Pauline Roper. Alors attends, cet été, je vais à Montréal. Hein, et sur le Mont-Royal, il y a des ratons laveurs. Je pense que je vais pleurer en voyant. Genre, hein, je suis mal barré. Ah, si j'avais un fusil. Je l'enverrai en photo. tu vas à Montréal cet été? Oui, ouais. Ah bah, profites-en. Oui, on voit des photos. Tu auras des roquettes partout. Ah oui, l'acteur qui joue Drax, ça. Dave Bautista, il a adopté un. Mais je crois qu'il est en photo, il s'est mis en photo sur Instagram, je crois, avec le petit raton laveur. Son laveur dans la main, ouais. Tout petit. C'est mignon, hein, bébé raton laveur, quand même. Bah, mais adulte, hein. Même adulte, ouais. Ouais, mais ouais. Mignon, tout bébé. C'est vraiment mignon, tout bébé. En tout cas, on a beaucoup apprécié Rocket, puisque l'histoire tourne autour de lui. Alors, il y a un autre personnage, bon, c'est. On l'a peu vu, on le voit surtout dans la scène Poget. C'est la jeune fille qui s'appelle Phila, qui était une des expériences du maître de l'évolution. D'ailleurs, soit dit en passant, j'ai trouvé que Drax, quand il découvre que Drax parle leur langage, j'ai trouvé ça tordant. Ah oui, tu veux Où elle dit bloup bloup, j'ai pu, il fait. Oui, du coup, il répond et font, mais tu sais pas ce qu'il dit. Bah si, il dit, non, si on est des amis. Ah bon, tu parles comme eux? Bah oui, pourquoi tu l'as pas dit? Tu l'as pas demandé. Ça, et ouais, ils te disent que tchoup tchoup, ça veut dire ami. Ouais, c'est ça, tchoup tchoup. Donc oui, ça serait ça marrant. Enfin, c'est ça, c'est bien. Je crois que c'est il y a que dans les Gardiens de la Galaxie que tu vois un truc comme ça. Tu vois pas ça dans d'autres films. Des petits points comme ça d'humour. Non, mais enfin, qui est débile, mais qui passe parfaitement avec eux, en fait. Oui, c'est exactement ça. Donc, la jeune fille s'appelle Phila. On la revoit dans la scène post-générique avec les nouveaux gardiens. Et en fait, dans les comics, c'est Philavel. C'est ça, Mika ? Alors, je ne connais pas après plus le personnage. C'est une Captain Marvel. Voilà. Okay. Même pouvoir. C'est une Captain Marvel. voilà. C'est une sorte de Captain Marvel. On voit pas. Qu'est-ce qu'elle veut nous montrer ? Je voulais montrer la photo. Pauline veut nous montrer un truc sur son téléphone, mais on voit pas. Oui. Ah ! C'est elle ? Philavel. Ah, je vois pas. Ouais, c'est elle. C'est Philavel. C'est ça ? Oui, c'est elle. Okay. C'est elle. Et en fait, Philavel, c'est une Captain Marvel. Voilà. Okay. Elle est née, alors je crois que son père, c'était un cri qui s'appelait Marv, plus loin, Hull. Marvel, voilà. Ah oui, d'accord. C'est pas bégayé. Ok. Voilà. Et du coup, elle est... Ça, c'est pas justement Captain Marvel, le premier ? Hein ? Marvel, ça s'écrivait comme ça, le premier. Oui, oui, oui, oui, mais en fait, justement, Captain Marvel, c'est un statut à la base. C'est un statut. T'es Captain Marvel. C'est pas. Oui, c'est un cri. Oui, c'est lui, Marvel. C'est ce cri-là. En fait, c'est la fille de ce cri. Ouais. Et Philavel a quasi les mêmes pouvoirs que Captain Marvel, en fait. Voilà. Elle peut générer de l'énergie, etc. Donc, bon, après, les gens iront voir sur Internet. Phila, c'est P-H-Y-L-A, et plus loin, tiret V-E-2-L. Voilà, Philavel. Voilà. Et d'ailleurs, il l'appelle Phila dans la scène prochaine. Donc voilà. Mais c'est elle, je pense qu'on la reverra, elle. Parce qu'elle est assez importante dans les comics, et puis elle a un fort lien avec Captain Marvel aussi. Du coup. Bah, vu qu'il y a le film The Marvels qui doit sortir, peut-être. Voilà, je pense qu'on la reverra là. Ah, c'est bien possible, ouais. D'ailleurs, ça sent pas bon ce film. Hein. Bah, il est toujours pas sorti. Non, mais avec la grève des scénaristes, au moins, là, ils ont pu préparer des films. Là. T'as vu la bande-annonce ? Oui, j'ai vu. J'ai vraiment envie de le voir, hein, pour le coup. Hein. Ah bon ? Ouais, t'as vraiment envie, toi. Oh, putain. T'es chaud, toi. Non, mais tu sais, vaut mieux dire j'ai vraiment envie de voir pour voir ce qu'elle daube c'est ou comment c'est bien, mais au moins, tu iras le voir. Voilà. Mais j'y crois pas trop. Hein. Non, ça, franchement. Déjà, la série Miss Marvel, elle m'a pas emballé du tout. Ah, à part absolument. Le premier épisode m'a plu, moi. Après. Moi, j'ai trouvé Ouais. Mais l'épisode sur vraiment l'histoire. J'étais l'histoire de sa famille et tout. Ça, celui-là, je l'ai trouvé beau. Bah oui, celui-là, oui. Bah, c'est avec l'histoire des bracelets. D'ailleurs, le film commence avec la scène post-générique du dernier épisode de la série. Ouais, dernier épisode. Ouais, on se retrouve dans. Ah oui, quand elle se métamorphose. Quand elle arrive dans la chambre. Ouais, quand il y a le transfert d'esprit entre. Donc. Fort ou court, hein. Ouais. Du coup, on va la revoir, elle, je pense. Mais en tout cas, on... Alors, justement, d'où ma question maintenant. Du coup, qu'on a. Là, donc, Gardien de la Galaxie. En conclusion, Olivier, qu'est-ce que tu en as pensé ? J'ai adoré. Bien supérieur aux deux. Au 1 aussi. Je sais pas, le 1 est très très bien aussi, ça présente les personnages, donc c'est le 1 est vraiment très bon. C'est un des meilleurs Marvel depuis longtemps. Pauline. Elle va pleurer, c'est bon alors. Non, magnifique, j'ai trouvé vraiment incroyable et vraiment il était au-dessus des deux autres. Maintenant, je pense que je vais attendre longtemps. Si je dois le revoir, parce que c'est dur de s'en remettre émotionnellement parlant. C'est très compliqué. Enfin, si des gens sont sensibles, entre guillemets, comme moi, c'est pas évident. Et du coup, pour s'en remettre, c'est long. Je veux dire, après, même mon papa, hein, qui est assez dur, entre guillemets, lui, il pleure pas pour rien, et ben, il a eu du mal à s'en remettre. On peut tuer un chaton devant lui, aucune émotion. Non, quand même pas. Rien. Non, ça mais reste de la viande. Niveau cinéma, il a vu tellement de choses que je veux dire, voilà. Et là, pendant 2-3 jours, il m'a dit franchement, j'ai du mal à m'en remettre. Il a dit c'est compliqué. Oui, c'est vrai. Donc, Mika. Mais incroyable. Oui. Alors, toi, Mika. Bah moi je l'ai, comme je disais, je l'ai vu deux fois et je l'ai vu le samedi soir, le dimanche après-midi. Donc tu vois, c'est. Ah ouais, d'accord. Moi je l'ai vu deux fois. Oui. Filé. Avec un petit chevalier du zodiaque au milieu, mais c'est autre chose ça. Quoi? Chevalier du zodiaque? Ouais. Ouais, ça veut tout. Mais en tout cas, tu l'as beaucoup aimé. Franchement, ouais, je trouve que c'est un bel adieu de James Gunn à Marvel. Il s'est pas foutu de la gueule ni du public ni de la licence. Il part noblement. Et quand on voit ce qu'ils lui ont un peu mis dans la gueule, je trouve que ouais, il part vraiment dignement. Et c'est aussi le premier film Marvel à utiliser le fameux F-word. Puisque le quoi, ça coûte le fuck. Le F-word. Le F-word, c'est la... En français, tu l'entends pas trop, on a tellement l'habitude d'entendre des insultes. Mais en fait, tu as un moment donné où, en fait, en VO, Star-Lord dit fuck. Et c'est la seule fois où ça a été dit dans un Marvel. Il l'a dit. Je savais pas. Mais il l'a dit, et en fait, Chris Pratt était très content d'ailleurs d'être le premier de l'univers Marvel à avoir l'honneur de pouvoir le dire à l'écran. Bon, en tout cas, on est tous d'accord pour dire que c'est un chef d'œuvre. Ah, il est magnifique. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un Marvel aussi bien, notamment depuis Avengers Endgame. À tel point qu'à la fin, j'étais vraiment dégoûté de me dire qu'on ne verra plus l'équipe, quoi. L'équipe ouais, actuelle. Ouais. Allez, l'équipe. Ah, attends, putain, on va en parler. T'inquiète pas. La théorie. On est encore sous la boîte, là. On va en parler. Happiness hit her like a train on a track. Coming towards her, stuck still, no turning back. She hit around corners and she hit under. Oh, Alors, il y a deux scènes post-génériques. Ouais. La première, on voit Rocket et la nouvelle équipe. Mmh. Et la deuxième, on voit Star-Lord avec son grand-père en train de manger des céréales. Il fait même de l'ASMR. Hein. Je sais pas si vous avez vu à la fin. C'est... j'ai pensé en plus à ça. Je suis en train de faire... S'il a fait de l'ASMR avec les cornflakes. Bref, pour dire que... on va parler de la première scène. Question, et je pense avoir la réponse pour certains d'entre vous. À votre avis, 4 ou pas 4? Et si pas 4, où est-ce que vous pensez qu'on va les voir? Parce que maintenant, on connaît tous les films qu'on va voir. Parce qu'on a eu le calendrier. Vous avez le calendrier ou pas? Je l'ai plus là, mais... Attends, si j'avais marqué. Faut se méfier, je crois qu'ils sont en train de le changer, là. Oui, ouais, mais... On va prendre le... Avec Kang. A priori, hein, Kang, ils sont en train de réfléchir à éventuellement faire autre chose. Ouais, pour ils veulent virer l'acteur. Ah ouais? Ah oui, j'ai entendu dire ça, ouais. Qui veut dire. Ouais. Oui, bah, c'est, bah, oui, parce qu'il a fait des choses pas très. Voilà. Ah, oh non! Bah, il a tout été accusé plus que ce que ça a été prouvé, mais on connaît la politique de Disney. Ouais, mais bon, c'est comme James Gunn, il le vire pour le reprendre après. Voilà, c'est pas. Alors, il y a. Alors, toc, j'y suis. En attendant. On verra pour Kang, etc. Après les Gardiens de la Galaxie, il est prévu la série Echo. Après, c'est Loki. Non, encore avec Hawkeye. Ouais. Ça date de quand cet article-là? Moi, j'ai Loki en octobre et Echo en novembre. Donc, c'est mise à jour au mardi 10 janvier 2023 à 16h. D'accord? Le 16 mai. Parce qu'ils mettent The Marvels en juillet 2023. Donc c'est pas le bon. Moi j'ai Secret Invasion. Après j'ai Loki en octobre. Ouais, c'est pas bon. The Marvel en novembre. Echo en novembre. Oui, c'est pas le bon parce que Secret Invasion, moi, il est avant Guardians of the Galaxy. Donc c'est pas le bon. Je vais essayer de retrouver. Sachant que Loki, ils sont en train de voir pour éventuellement la repousser. Hein. Encore? Ah bon? C'est parce qu'elle était avec Kang justement. Oh. Ah, mais oui, oh. Bah oui, c'est logique. Ouais, mais alors dans ce cas-là, il diffuse pas. C'est qu'il apparaît, c'est un peu. Alors, bah, ça aussi, il change. 21 juin, c'est bon. 21 juin 2023, donc Secret Invasion. 10 novembre 2023, The Marvels. 6 novembre 2023, Loki saison 2. 29 novembre 2023. Alors, je suis sur un site qui s'appelle GAC. Je sais pas si c'est fiable ou pas. Echo, le 29 novembre 2023. Après, en automne 2023, Iron Heart. En hiver 2023, Agatha. Tu sais, de Wanda Vision. Covenant of Chaos. Printemps 2024, Daredevil Born Again. Mai 2024, Captain America New World Order. 26 juillet 2024, Thor Dumbledore. Et 6 septembre 2024, Blade. Sachant que Blade, ça fait genre 2-3 fois qu'il le. C'est encore repoussé. C'est avec les grèves des scénaristes, là. C'est ça. Les scénaristes, ils ont tout repoussé ou tout mis en attente pour le moment. Ça, c'est la phase 5. La phase 6, c'est Deadpool 3 en septembre 2024. Fantastic Four le novembre 2024. Et ça ferait Avengers The Kang Dynasty en 2025. En avril 2025. Ouais. Et Avengers Secret War en novembre 2025. Et apparemment, il y a d'autres projets pour la phase 6, mais qui ne sont pas encore dévoilés. Et donc, ta théorie, c'est quoi alors? Ah, ma théorie, là, sur les gardiens. Non, la théorie, je te donnerai après. La question que je vous ai posée, parce que c'est vrai qu'on dit vague. Là, je vous ai dit, à votre avis, là, je viens de faire la liste de ce que d'après ce site-là, GAC, à votre avis, est-ce que, il y a de la place pour mettre un Gardien Galaxy 4? Et où, à votre avis, dans quel film on les reverra? Ou série? Alors moi, perso, je pense pas qu'on les reverra avant au moins les réunions Avengers. Oui. Et que s'ils font qu'il y a un Gardien de la Galaxie, ça sera sur la phase 6. Je pense pas qu'ils puissent y toucher avant. Je suis d'accord. Et Olivier, toi aussi, t'es d'accord? Oui, moi, je pense que l'équipe telle qu'on l'a connue ne reviendra jamais. Hein, mais... Mais je parle de la nouvelle. La nouvelle? Ah bah ça sera dans les Avengers, je pense, pas avant. Ouais, ils feront une apparition, je pense. Mais comme disait Mika, après, si vraiment ils veulent en faire un quatrième, après les Avengers plutôt. Ouais, alors moi, je me demande si on les reverra pas dans The Marvels, ou du moins une, au moins une dans The Marvels. Ah oui, la jeune, donc ouais. Phil Avel. Et la deuxième chose, c'est qu'ils ont prévu un Eternals 2. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Il y a toujours. Et c'est confirmé ça, c'est parce que c'était pas confirmé. Enfin, je sais pas, mais ils disent à la fin du film, les Éternels reviendront. Oui, mais comme ça, oui. Malheureusement, ça n'a pas marché du tout au box-office. Au box-office. Oh. Je suis pas sûr qu'ils fassent une suite. Hein. Quand même à un point à l'heure actuelle où tout ce qui se passe dans le film Éternel n'a toujours pas été traité. J'ai un article du 2 janvier 2023. Vrai. J'ai un article du 2 janvier 2023 qui dit que l'un des acteurs, Don Lee, qui interprète Gilgamesh, aurait dans son agenda la suite de The Marvel. Tiens, je t'envoie le lien. À prendre aussi avec des pincettes, mais apparemment déjà dans. Prendre avec bien entendu des pincettes, voilà. C'est qu'un site internet, c'est pas. Le prochain Captain America devrait traiter enfin de ce fameux céleste qui a poussé sur Terre. Bah ouais, parce qu'il faudrait quand même en parler à un moment donné. Hein. Et apparemment, il serait fait d'adamantium et ce serait une île, ça serait devenu une île où se seraient réfugiés les mutants. Enfin, il est mort-né, ce fameux céleste. Il est mort-né, mais il serait fait d'adamantium, justement, et ce serait là-bas que seraient réfugiés les mutants, et ce serait la fameuse île des mutants, le corps. C'est possible. Ah ouais, putain, j'y ai pas pensé à ta théorie. Ça permettrait de faire rentrer les mutants, tu sais, en utilisant un peu quelque chose qui est déjà utilisé. Moi, j'aurais cru que c'était sur Deadpool qui ferait rentrer les mutants, tu vois. Bah, ils veulent faire revenir, apparemment, pareil, ça reste une rumeur, mais les X-Men d'origine. Oula. Parce avec Wolverine dans Deadpool 3, je me dis, ouais, ils vont en profiter. Quoi. Tu vois. Bah, j'en parlais avec Olivier. Parce que Wolverine. J'en parlais avec lui, comme quoi, en fait, les dernières photos qui ont été prises d'Halle Berry, elle a la coupe qu'elle a dans, je crois que c'est X-Men 2. Tu sais, où elle a les cheveux courts et elle a de nouveau les cheveux blancs. Les cheveux courts, vous l'avez vu quand, les cheveux blancs? C'est des photos récentes d'elle, elle a fait une interview, je ne sais plus sur quoi, et en fait, elle était comme ça. Et on disait, c'est quand même super. C'est pas des cheveux blancs naturels, d'accord. Je ne trouve pas. Mais là, elle avait la coupe de Tornade. Elle a tourné un truc, c'est sûr. On est en plein dans le tournage à l'heure actuelle, quand même. Ils font un caméo. Bon. En tout cas, moi, je pense qu'on les reverra au moins un dans The Marvels, et je pense peut-être les Eternals 2. Dans tous les cas, on les reverra dans la réunion des Avengers. Ça, c'est un truc, à mon avis, on va au moins les voir. Ça, c'est clair. C'est obligé. La deuxième post-gen. Alors, vraiment, j'ai une théorie. Deuxième théorie. Alors, la deuxième. Deuxième post-gen, donc cette fameuse post-gen d'Eric, où tu as Star-Lord, Peter Quill, qui retrouve son grand-père. Il devient paysagiste, hein, on a tous vu. Il comprend pas qu'un mec de 45 ans est pas capable de tondre sa pelouse. Voilà, et c'est marqué Star-Lord reviendra, d'accord. Et moi, je pense que on sait tous que l'aventure Gardiens de la Galaxie c'est fini pour Star-Lord. On sait tous ça. Pour Chris Pratt en tout cas. C'est sûr. Pour Chris Pratt, ouais. Mais je pense qu'il y a, et comme vous savez, le Captain America The New World Order. Et je pense que Captain America va venir le chercher. Ah bon? Je ne sais même pas si on le verra pas avant, quoi. Parce que... ouais, en tout cas, c'est pas lui. Vous avez compris l'idée. Si c'est pas lui, on le sait. Je pense qu'ils savent qu'il est sur Terre et qu'ils iront le chercher. C'est ce qu'on dit, c'est Star-Lord qui reviendra. On ne dit pas les Gardiens de la Galaxie, tu vois. Lequel? C'est le seul qui reviendra. Et, à mon avis, il va être en solo. Et normalement, il part chez DC. C'est qui l'acteur? Ouais. C'est une rumeur, ça, parce que James Gunn aime bien travailler toujours avec les mêmes acteurs. Il va partir d'ici, c'est pas dérangeant. Mais il dit Star-Lord reviendra, c'est pas les Gardiens de la Galaxie reviendront, tu vois. Après, tu l'as pas vu? Chris Pratt, il disait dans un article qu'il était prêt à retourner avec Marvel, même sans les Gardiens de la Galaxie. Hein. Oui, c'est pour ça que je te dis qu'à mon avis, il y a quelqu'un qui va venir le chercher. Je sais pas qui, je suppose, tu vois. Donc ma théorie. Non, mais t'as raison. Le fait qu'ils viennent sur Terre, c'est. Ils ne savent pas pour rien. À un moment, ça va péter. Mais je pense qu'ils savent très bien qu'il est sur Terre. Nick Fury ou autre doit être le Sword ou autre le Shield doit être au courant. Et à mon avis, il y a quelqu'un qui va venir le chercher. Je pense qu'il y a ça. Ouais, c'est possible. Mais en plus, ils ont parlé. T'as vu la théorie Mais en plus, dans Captain America. Et moi, je pense que c'est America parce que je vois que lui pour le moment. Après, c'est sûr que c'est pas Blade qui ira le chercher, quoi, tu vois. Mais en plus, il disait que. Vas-y, Pauline, en première. Il disait en plus, je l'ai vu là cette semaine, que. Bon, après, c'est une rumeur aussi. Ils allaient faire mourir un des personnages les plus importants, je crois, et que ça allait aussi prendre toute une tournure sur le reste de la phase. Alors. Je sais pas. Okay. Personnage important. Il n'y a plus que Thor ou Captain America maintenant. Oh non, bah, ouais, Thor, s'ils peuvent le buter, c'est pas un problème avec les navets qui sont sortis. C'est ce qu'ils vont faire. Si tu disais Star-Lord, du coup, Benji, ça se trouve. Non. Non. Non, mais je suis sûr qu'il va revenir, mais seul, et qu'on ira le chercher. Alors, je dis Captain America parce que pour moi, quand je reprends le calendrier que je vous ai donné là, du moins du site que j'ai. Je le vois pas apparaître dans Agatha ni dans Daredevil, tu vois. Non, mais Secret Invasion, c'est possible. Ah. Oui. Ah. C'est vrai. C'est possible. C'est vrai. Ça veut dire que ça sera déjà tourné du coup. Possible. Il aurait tourné pendant les qui tournaient Gardiens de la Galaxie, c'est possible. Oh, c'est possible. Mais tu sais, ils ont des clauses de dans leur contrat, les acteurs, ils ont des clauses de non-révélation, donc. Ouais, c'est possible que ça soit déjà tourné en fait hein, cette scène. Donc après, voilà. Alors, Olivier, ça c'est ma théorie. Toi alors, quel serait à quel moment est-ce qu'il reviendra à ton avis, à quelle occasion il reviendra? Bah, j'ai pas vraiment réfléchi. Moi, s'il devait revenir, pour moi, c'est avec les autres gardiens. Avec les Avengers. D'accord. Et toi, Pauline? Je pense pas qu'il reviendra avant, mais. Moi, je pense à un truc tout seul. Franchement, j'ai pas trop cherché. Parce que ça m'a étonné de voir ça à la fin. J'ai pas l'ASMR Cornflex, là. Ça m'a stressé. On voit, ça se voit. Mais non, mais en plus, si ça fait penser, tu sais, quand il est mort, comme Iron Man, tu sais, t'avais entendu le marteau sur l'enclume à la fin. Du coup, ça n'a rien à voir là. Ils bouffent des céréales, ils nous le foutent dans le noir et tu entends en train de mâcher. Bon. Alors, Amika, on va le revoir, mais où? Je pense qu'on va le revoir. Alors, il y a moyen que ce soit effectivement avec Captain America, peut-être qu'il essaiera de former une nouvelle équipe d'Avengers. Bon, du coup, tu serais d'accord sur le fait qu'à ton avis, comment on le verra qu'en solo? Mais de toute façon, s'ils ont mis ça, c'est qu'il reviendra tout seul. Et c'est possible même que, tu sais quoi, sur les premiers films Avengers, tu n'es pas les gardiens, mais tu n'es que lui, et que les gardiens soient que dans le deuxième. Pour dire qu'il les appelle au secours, un truc comme ça. Ouais, ça c'est possible. Après, t'as complété ma théorie. Dans les comics, Star-Lord sort aussi avec Kitty Pryde des X-Men. Donc, vont-ils... Ah oui, c'est vrai. Parce qu'elle devient Star-Lord elle aussi à un moment donné. Attends, ce retournement de situation là. Exact, j'ai entendu parler de ça. Elle le remplace et elle devient Star-Lord et elle dirige les gardiens avec Rocket. Ça se trouve, ça va être elle en fait. J'allais dire, ça se trouve, c'est donc techniquement, c'est Star-Lord. C'est pas Peter Quill, hein, c'est Star-Lord. Ouais, d'ailleurs. C'est vrai. Putain, oui. T'as complété ma théorie. En fait, t'as beaucoup de théories. Il y a beaucoup de pistes différentes. Ouais, nous sommes le 1er juin 2023 et en 2025, quand on aura les Avengers, on sortira ce podcast. On entendra Pauline pleurer et les théories. Imagine le foutage de gueule où ils te mettent juste un Star-Lord parce que c'est un mec qui a juste utilisé son casque et qui se fait appeler comme ça, tu vois. Donc en pire, c'est Deadpool qui arrive, qui fait un coucou et qui se barre, tu vois. Comme il fait à la fin de Deadpool 2, tu sais. Ah, il y a un truc dont on n'a pas parlé des films, la playlist. Ah oui, justement, oui. J'ai dit en plus qu'on allait en parler. On allait en parler. Et... Juste... Vous l'avez sur Spotify normalement? Je ne sais pas Spotify, mais je l'ai, oui. Tu l'as, oui. Après, tu fais une playlist, tu récupères le. Les... Alors, justement, Pauline t'en parle. Alors, t'en as pensé quoi de la musique? Toujours aussi au top. Franchement, ils sont maintenus sur leur playlist déjà de base incroyable sur les deux premiers. Et franchement, je trouve que leur continuité, ils choisissent toujours. Et puis, sachant ce qui est bien, ce qui change, c'est que maintenant, ils ont pris une musique, tu vois, à la fin, une des musiques des années 2000. Et on sent. Bah, d'ailleurs, tu vois Rocket avec sa. Il n'est pas avec une cassette, il est avec un lecteur L'iPod. MP3. Oui. Ouais. Un Zune. Voilà, un Zune. Et du coup, il est avec ça. Et tu vois, au moment de sa playlist, t'as 70, 80, ouais. 90, 2000. C'est ça. Tu le vois, ça. Ah, mais. C'est ce qui fait la richesse du film aussi. La chanson que j'adore, moi, c'est Dogs Day. Arsover. Ouais. Ah, Arsover de Florence et The Machine. C'est celle qui danse. Elle. Donc, ouais. Bah après, ouais. Florence and The Machine, déjà, c'est un groupe incroyable. Alors là, qu'il est pris pour le film, et on l'a vu. Je sais pas si il faudrait que vous regardiez. Elle a réagi. Du coup, oui, à j'ai la vu scène, le TikTok. À la fin. Et je trouvais ça incroyable parce qu'elle en a pleuré et tout, tellement elle était. Tu te rends compte, la fierté, la chanson est sortie il y a tellement longtemps. C'est quand même une sacrée fierté de dire ma chanson elle apparaît dans Marvel, plein. Surtout que ça a un impact. Hein. Mais il y en a plein qui sont sortis il y a vachement longtemps, qui sont au goût du jour maintenant. Oui. Je sais plus, il y en avait une d'une série. Oui, mais tu en avais une dans une série, je sais plus comment elle s'appelle, qui a tourné en boucle. Ah oui, Running Up the Hill. Ouais, ça, voilà, de Stranger Things. Ouais, ouais. Là, celle-là, la chanteuse a vu son portefeuille augmenter d'un coup, elle a pas compris, on a bien. Je crois que c'est vrai en plus. Je crois qu'elle a vu son portefeuille. Non, mais c'est, vrai. C'est quoi tout cet argent qui rentre et tout. Et du coup, c'est parce qu'en fait, elle tournait en boucle sur toutes les plateformes, donc du coup. Ce qui est quand même assez drôle par rapport aux musiques, c'est qu'ils ont ressorti des cassettes audio à cause des titres pour avoir comme Star-Lord, pouvoir le mettre dans son Walkman. Ils ont ressorti les cassettes audio. Ah ouais ? Ah ouais. Et alors je sais qu'il y a des vinyles, mais je savais pas qu'ils ont sorti des cassettes audio. Ils ont ressorti les cassettes audio exprès pour faire comme Star-Lord et les mettre dans le. Ouais. Excellent. D'accord. Parce que je sais qu'ils ont sorti. Par contre, ils ont sorti en vinyle. Ça. Ça, le vinyle, mais carrément avec cassette audio. Faut encore avoir un Walkman. Ouais, ou un lecteur cassette, et malheureusement, ça survit pas longtemps quand tu en as un qui. Alors, moi, j'ai ma vieille Shinifi avec lecteur cassette, mais j'ai pas de Walkman. J'en avais un à une époque, mais je savais qu'ils ont sorti. Et donc, la musique est toujours aussi bien, ça change pas. Donc, et d'ailleurs, je sais pas si vous avez. Alors, pas toi, Mika, mais si vous avez fait le show de drone à DLP, ouais. À la fin, ils mettent la musique à fond. Celui de... Celui des gardiens. Non, celui des gardiens, ah mais non, pas celui du dernier, non. Non. En fait, nous, on a un spectacle de drone, et d'ailleurs, j'ai oui, oui. Ils ont mis la musique, et tout le monde s'est barré. Le gardien Inferno, là. Oui, c'est ça. Bon, t'as celle-là, et t'as plus aussi... Oh, elle est trop bien. Et t'avais aussi Hawken of Feeling. Et en fait... Hawken of Feeling, c'est mythique, ça. Oui, carrément. Et en fait, dans le show, après le show des drones, tout le monde se barre en courant pour aller au show du Grand Parc. Ouais, et puis il continue, il passe de la musique. Et en fait, il passe de la musique et je suis resté. Et j'ai dansé avec mes filles. Et le casse-member, ouais. Il était mort de rire. Et du coup, il fait, faut y aller, monsieur. Je suis, non, mais moi, j'y vais pas tant que la musique n'est pas finie. Et du coup, il dit à son collègue, bah attends, ça finit bientôt. Sauf que ça enchaîne avec une autre musique derrière. Donc, je me remets à danser. Et du coup, il faut vraiment y aller. Et là, je lui fais, bah, je bandirai quand vous danserez avec moi. Et il a dansé avec moi. Ah, excellent. Il a dansé avec moi et après il fait, vous rien aller. Et je lui fais, ok, je m'en vais. Mais on danse jusqu'au studio 1. Et il m'a accompagné en dansant jusqu'au studio 1. Comment se faire virer doucement. Ouais, non, mais c'est super drôle. Mais j'étais vraiment tout seul avec mes deux filles. T'es seul. Excellent. Et mon épouse, plus loin, qui me disait, qu'est-ce que tu fais. Qu'est-ce que tu fais. Je suis, non, je suis bien là. Attends, au cause of feeling, je vais pas partir comme ça. Je peux pas. Tu vois, je peux pas. Ah, ouais. Je peux pas partir comme ça. C'est impossible. C'est ça. Ah, ça l'ambiance, elle est tellement bien. Après le spectacle des drones, ouais, l'ambiance dans le studio, elle est tellement cool. Je trouve que ça change le soir comme ça. C'est... Surtout que tu as vu un show qui est quand même ouf. Et en ce moment, c'est festif apparemment au studio. Hein. Il y a des sifflets, il y a des drapeaux. Voilà. J'y vais samedi, moi. Tu le raconteras samedi. Ah, tu vas samedi. J'y vais samedi. Ouais. Samedi. Mais pour de vrai, oui. Pour rire. Oh merde, en plus ils ont fait une annonce là Disney aujourd'hui. Oui, ouais. Aïe aïe aïe. Je vais faire grave avec eux. Hein. Je vois, gens... cette prime à 125 euros, c'est inadmissible. Alors que je suis pas casse merde, tu vois. Tu te glisses. Tu te glisses. Tu travailles où? Au siège. Non, mais bon, non, j'y vais samedi. Bon, après, je verrai. Hein, si... Après, comment. Après, je crois qu'ils ont conseillé de pas venir. Hein. Je suis pas trompé. Oui, c'est... justement, ils ont fait un truc aujourd'hui. Et c'est Disneyland qui a... Paris qui a communiqué en plus. Ouais. Ouais, oui, c'est parce que c'est la première fois. Bah, si, c'est la première fois depuis le conflit. Hein. Ouais. Ouais, ouais. Et du coup, ça veut dire qu'ils n'ont pas accepté les revendications. Du coup. Ouais. Donc, ça va être chaud. Mickey, se fait devant ça le va être chaud aux oreilles de Mickey. Voilà. Non, mais je te dis, je vais me glisser dans le cortège. Je vais gueuler avec. Si, je suis capable, hein. Je fais une vidéo aussi sur le pied, je t'envoie une vidéo, je t'envoie toutes les deux vidéos, je suis dedans. Ah ouais, ah ouais, ok. Bonjour. Sors les billets, Mickey, sors les billets, allez. Voilà. Il y a intérêt. Voilà, bon, on a fait le tour là, je crois, on a tout fait. Hein. Ouais, on a tout fait. On a fait de large en travers. 1h46, c'est bah, parfait, j'avais tablé sur 1h30. C'est parfait, ouais. On a tout fait. Alors, du coup, avant de raccrocher et de... Olivier, quel est le prochain film que tu attends? Le prochain film Marvel, tu veux dire? Ouais. Avec impatience. Bah, il n'y en a pas vraiment, j'ai envie de te dire. J'attends Batman. Il est passé. Non, mais sincèrement, ce qu'ils annoncent, The Marvels, là, ça a l'air catastrophique. Je suis plus hypé par la série avec Nick Fury. Ah bah attends, j'allais te poser la question, quelle série tu attendais? Ben voilà, c'est plus ça que j'attends. Ouais, ah. C'est plus ça que j'attends parce que en fait, je suis plus hypé par les futurs Avengers en fait. Et ce qu'ils proposent pour le moment, je ça sert vraiment... même pas Deadpool 3. Ah si, Deadpool, si Deadpool, mais oui. ça va être un truc à part, je pense, ça va être comme Deadpool 1. Ah, je suis pas sûr que ce soit par moi. Tu crois que ça va s'intégrer dans la timeline, ouais. Tu crois? Et je pense que ça va aller vite. Je pense que Deadpool 3, je l'attends, si c'est vrai, c'est vrai. En plus, il y a Hugh Jackman, quoi. Oui, tout à fait. Oui, non, mais pour moi, Deadpool, le 1 et le 2 étaient tellement à part que j'ai pas tu pensé vois, à... C'est le genre d'acteur qui dit « Je réincarnerai plus jamais après Logan Wolverine ». Ouais, c'est vrai. Et maintenant, c'est pas un acteur qui dit ça. Hein. Il a dit « Je ne l'incarnerai plus, sauf si je peux combattre Hulk ». Ah, peut-être. D'ailleurs, j'ai pensé à toi dans Hulk, Mika, à la fin de chez Hulk. T'avais une théorie qui était bonne. Alors laquelle là? T'avais dit qu'il était parti sur bon c'est pas grave. Ah oui. qu'il était parti sur une autre planète à cause du vaisseau qui était et du coup qui allait revenir et il est revenu avec un fils. Il est revenu avec son fils ouais. Donc ça correspondait à la BD que tu m'avais évoquée. J'aurais préféré un Mortor. Voilà. dans tous les cas toi bah tiens Mika quel film et série que tu attends? Alors j'attends beaucoup la saison 2 de Loki. Surtout après Ant-Man. Bah moi j'ai beaucoup aimé Ant-Man donc oui. Ouais, moi aussi. Et contrairement du coup aux d'autres, moi j'attends The Marvels là parce que. Allez bam, ça c'est pour Olivier. J'aime beaucoup Kamala Khan en fait la Miss Marvel. Le personnage me fait beaucoup rire, je l'apprécie beaucoup finalement par rapport même à sa série. Et du coup bah je me languis de la revoir en action avec d'autres persos et compagnie, voir ce qu'ils vont faire justement. Est-ce que ça va donner ? Parce qu'on commence un peu à repartir dans du spatial autre qu'avec les gardiens. On peut voir ce que ça va donner. Autre avec les gardiens ? Moi, je pense qu'on en verra une, moi. Au moins une. Non, mais oui, sûrement, c'est sûr. Taper dans du spatial avec autre chose qu'être sur les gardiens de la galaxie. Quoi, sur... Donc, voir un peu ce que ça va donner, parce que bah, Thor, on n'en parlera pas hein, dans l'espace. Donc, j'attends principalement ça. Et bien sûr, le Deadpool 3 qui... ça. Et qui ont... Adoré comment ils ont présenté Deadpool 3. Je sais pas si vous avez vu quand ils ont commencé à expliquer qu'ils sont en train de le faire. T'as Ryan Reynolds qui j'ai vu pour un Deadpool 3 et t'as Hugh Jackman qui passe derrière. Tu peux pas faire Wolverine dans le... Ouais, d'accord. Excellent. Et après, ils ont fait une deuxième aussi où ils sont en train de parler du scénar et en fait, t'as la musique de fond et t'entends rien de ce qu'ils disent. En fait, ce qui est assez marrant, c'est que visiblement, c'est pas censé être la suite de Deadpool 1 et 2. Bah oui, c'est ça. C'est censé être un autre Deadpool, mais il sait pertinemment qu'il est un autre Deadpool que celui des deux autres films, puisque Deadpool brise le quatrième mur, et qu'il est intégré à l'univers du coup Marvel maintenant. Et je pense qu'il va y avoir quelques blagues vis-à-vis de ça dans le film. Ça risque d'être plus soft aussi. Non, apparemment, il est quand même... Non, ils ont gardé. Il est quand même trashy. Ouais, ils l'ont gardé. Ouais, ils ont dit qu'ils peuvent pas l'enlever. Ils l'ont gardé, ouais. Le côté gore. La seule chose qu'ils ont interdit, c'est à Ryan Reynolds là de toucher au scénario tant qu'il y a la grève des scénaristes. Oui, c'est ça. Elle est partie pour durer, hein, apparemment. Donc voilà. Et toi, Pauline, du coup ton film et ta série que tu attendrais? Un film, j'ai hâte de voir. Les Marvel, j'ai hâte de voir, mais pour Monica Rambeau, j'ai hâte de voir un peu comment son personnage évolue depuis WandaVision. C'est vraiment, ça va être super intéressant parce que les deux autres, on les connaît déjà, on sait déjà leur pouvoir et tout, mais elle, c'est vraiment autre chose, je trouve. Donc, ça va être, je pense que ça va être intéressant à voir. Et niveau série, comme Mika, la deuxième saison de Loki et Agatha aussi. J'ai hâte de voir Agatha. Ok. Bah moi, le film, c'est Captain America. Bon, ça, je surprendrai pas Mika, je pense. New World Order, j'attends vraiment. Étant que c'est le meilleur super-héros de tous les temps, tout le monde le sait. Et en série, je dirais bien Secret Invasion. Ouais, non, si, c'est pas discutable là-dessus. On fera un podcast dédié à Captain America. Non, c'est Spider-Man, toi aussi. Donc, voilà. En série, genre, je suis effectivement sur Secret Invasion. Je suis pas emballé par Loki saison 2 réellement. Il va m'intéresser, mais pas plus. Mais c'est vraiment Daredevil, j'attends de voir ce qu'ils vont en faire. Ah non. Parce que je sais pas si vous avez vu Daredevil sur Netflix. C'était génial, justement. Voilà, et franchement, il y a une série que j'attends, c'est Daredevil. Bah, sachant que ça va pas être le même Daredevil. C'est pas grave, non mais ça me dérange pas. Ça va être celui qu'il y avait dans She-Hulk. Ouais, et celui qui a été dans. Bah, c'est pas tout à fait. C'est le même acteur, mais c'est pas le même personnage. Ouais. Mais c'est pas dérangeant. Non, mais il va être traité, il va être édulcoré, je pense. Ouais, c'est ça surtout. Et Secret Invasion, j'attends beaucoup trop de cette série-là, j'ai peur d'être déçu. Moi aussi, j'ai peur. C'est la BD, je l'ai lu, je l'ai à la maison. Je l'ai lu de long en large, en travers, tu t'ennuies jamais. C'est comme Secret War, la BD. Si vous avez l'occasion, faut la lire. Tu peux la lire un milliard de fois, ça se mange. Voilà. Et j'ai peur d'être déçu. Franchement, rien à voir. Oui, on sait que ça n'a rien à voir, mais c'est pas dérangeant. Mais c'est pas dérangeant parce qu'il y a pas mal de choses qui n'ont rien à voir quoi, dans le MCU, mais ça dépend ce qu'ils en font, tu vois. Donc ouais. Ça peut ne rien avoir, mais si c'est bien fait, on verra. Surtout que Nick Fury, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, que c'est un thriller d'espionnage à moitié, donc il est pile dans son élément. Est-ce qu'on va voir que d'autres personnes que Nick Fury? On va voir. Donc, dans la BD, tu vois des super-héros de partout. Oui, parce que le principe de Secret Invasion, en fait, c'est les Krulls. Les Skrulls, c'est vraiment eux. Pour envahir une planète, en fait, ils prennent l'apparence des grands présidents, des grandes pontes du monde, et aussi des super-héros. C'est comme ça qu'ils envahissent les planètes. En prenant l'apparence de dirigeants mondiaux et de super-héros. Et en fait, ils se rendent compte que, je sais plus lequel qui meurt, et il devient vert comme un Skrull. Et là, ils découvrent qu'en fait, parmi eux, il y a des Skrulls. Et ils comprennent pas. Ouais. Et là, du coup, dans Secret Invasion, j'ai pas vu un super héros, un seul dans le trailer. Oh, c'était Elektra qui meurt dans le comics. Ouais, dans le trailer, ouais. Bah, le truc, la différence surtout, c'est que là, les Skrulls, ils en ont fait des gentils. Donc, c'est un peu ce qui m'inquiète, moi, de qu'est-ce qu'ils vont faire par rapport à ça. Est-ce que tu as deux factions? Ils vont faire une faction méchante, tu vois. Donc j'attends de voir aussi ce qu'ils vont en faire, mais ouais, je pense pas qu'ils vont trop taper dans les super héros, les trucs comme ça, très peu. Et je pense que là c'est surtout une question de budget pour le coup. Oui, t'imagines. Ah oui, parce que dans le bouquin c'est que ça, c'est que des super héros. C'est même Tony Stark qui doute sur chacun de super héros qu'il rencontre. T'es un Skrull ou pas un Skrull? Non, je suis pas un Skrull. Qu'est-ce qu'il dit que t'es pas un Skrull? Faut que je te tue pour que tu. C'est vraiment. Jarvis qui était un seul, le fait que t'es l'équipe d'Avengers qui débarque en disant non, on était coincé dans une faille espace-temps. Ouais, et puis t'as Spider-Woman qui est la reine des Skrulls. Donc, oui, il y a beaucoup à dire cette série, mais à voir ce qu'ils vont en faire. C'est pour ça que j'ai peur d'être déçu. Donc, je tape sur du Daredevil. Comme ça, Daredevil est bien. She-Hulk aussi d'ailleurs. Putain, quoi? Ah, il se tape, oui, il se tape. Oui, c'est vrai. Ouais. La question, c'est une fois, ça se peut être. Voilà, ça c'est dit. Bah, ça sera le mot de la fin. Voilà, on va arrêter là. En tout cas, merci tout le monde. Alors, merci d'avoir participé, tout le monde. Alors, petit instant actualité. Pauline, alors, Insta Pauline sur Instagram. Ouais, alors, toujours. TikTok, tu mets de TikTok. J'ai vu que tu t'es mis au TikTok. Je mets plus de TikTok que maintenant sur Insta. Parce que sur Insta, je trouve que c'est. Enfin, comment dire, vu que je mets plus de vidéos, la plateforme TikTok, entre guillemets, elle est plus adaptée, entre guillemets, pour ce que je mets plutôt que Insta. Mais j'essaye de garder quand même un pied sur Instagram, mais plus sur TikTok que sur Insta. Voilà, donc vous la retrouverez. Il n'y aura rien. Olivier, YouTube. YouTube, oui. Donc voilà. J'ai fait une vidéo il n'y a pas si longtemps sur. L'expo des Gardiens de la Galaxie, justement, à l'hôtel Marvel, avec les costumes d'origine conservés au tournage, entre autres. Les combinaisons. Tu l'as vu aussi, toi? Bah, j'étais avec toi. Ouais. Non, je l'avais vu après. Je l'ai vu après. Moi, j'étais parti. T'étais parti? Ah, je sais plus. Ah, j'étais avec Laurent, alors, du coup. Ouais, j'étais avec Laurent. Donc voilà, sur YouTube. Voilà. Et Mika, alors, j'ai toujours les tatouages. La barbe et les tatouages, voilà. C'est-à-dire que la dernière photo date de 2014, donc voilà. Non, un tatouage qui n'est pas le sien. Mon dernier tatouage, c'était les derniers que j'ai fait. Ça changera pas. Le prochain podcast, ça sera sur le Spider-Verse. parce qu'avec Nico, on va voir le. Et Laurent, parce que Laurent m'a dit qu'il allait voir. Donc, Laurent. Il paraît qu'il est exceptionnel. Après-demain aussi, ouais. Déjà, le premier est exceptionnel, alors du coup, j'imagine que le deuxième doit l'être aussi. Bah, il paraît qu'il est limite mieux, quoi. Ah, bah alors là. Tu vas me dire pour une fois que Sony fait un truc bien, après les boosts de Venom et de Morbius. C'est clair. C'est dur. Pourquoi il fait chute? Tu veux pas me dire que tu l'as aimé? On ne va pas parler de ces films-là. Ah d'accord. Je suis rassuré. Oh, mon cœur, moi aussi. Je préfère à la limite entendre que Thor Love and Thunder était mieux. Et encore. Non, c'était nul. Pareil. C'était nul. Voilà. Non, et puis on fera le mid-season de Secret Invasion. Et puis le fin de saison de Secret Invasion. Et on a la numérologue qui revient, Marie. Ouais. Et d'ailleurs, il faut que tu lui donnes. Je finis de l'écrire. Ouais, je suis en train de chercher quel perso est vraiment intéressant à poser. Voilà. Ça fait du programme. Et après, c'est les vacances. Voilà. Et les podcasts bonus avec Olivier et Tony. Voilà. Oui. Ouais, voilà. Voilà, ça va être ça. Bon, en tout cas, merci à tous les trois. Toujours très agréable de parler avec vous de Marvel. Ça va être plus. Alors, ça va être lui faire plaisir, Pauline, parce que je mets des musiques de pendant qu'on. Le podcast, je vais couper, je vais mettre des musiques de... Alors, pas tout, parce qu'il y a des droits quand même. Je crois qu'on peut mettre que 30 secondes. Donc, du coup, je mettrai 30 secondes de plusieurs musiques de la BO de Gardiens de la Galaxie, et notamment la meilleure pour moi, c'est Dogs Day Are Over. Quoique, In the Meantime, il y a pas mal aussi. Mais, voilà. En tout cas, merci à tous pour votre écoute. Alors, merci pour le précédent podcast. Alors, c'était sur le bilan de l'Avengers Campus, qui a été beaucoup apprécié. Ah oui, d'accord. Il était bien. Sachez que j'en avais enregistré un avec Laurent et Pauline, mais le fichier n'a pas fonctionné. Ah merde. Oui, il a été. En fait, quand j'ai voulu je l'ai enregistré et puis mon PC ne voulait plus jamais le lire. Donc en fait, j'ai un fichier avec écrit 0 KO. Voilà. Donc, voilà. Pourtant, on avait rigolé sur les bretelles de Laurent. Ouais. Bon, ah oui, enfin, oh non, on avait si j'ai perdu, on a reparlé des vrais mais bon. En tout cas, merci parce que en fait, il a été très apprécié. En plus, il a été vachement partagé. Donc, j'avais un gentil. Alors, il y a un monsieur qui m'avait demandé ce que les attractions peuvent être pour les enfants, machin, etc. J'ai répondu, mais j'aurais pas cru qu'il aurait été aussi écouté. Donc, tant mieux. Tant mieux. C'était vraiment bien, là, franchement. Il était au top. Ouais. En même temps, j'avais que des personnes au top. Mais comme aujourd'hui, j'ai que des personnes au top. Donc, du coup, c'est parfait. Voilà. Donc, on vous laisse. Vive les ratons laveurs. Voilà. Vive les gardiens. Voilà. Enfin, du moins, et vive les nouveaux gardiens. Du coup, on verra quand est-ce qu'on les reverra. Voilà. Et je vous souhaite une bonne matinée si c'est le matin que vous écoutez. Puis une bonne soirée si c'est le soir. Voilà. Okay. Allez, au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Je sapais le Groot. Merci, Diesel.